Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leaves this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochon, il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez! Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Ça a été drôle, ça commence puis avec... Hey. Bon, grand sourire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Bras de fer en live. En live. T'as peu, je vais aller fermer. J'ai tout le même problème à chaque début d'épisode, il faut que j'aille fermer la page sur YouTube. Parce que je check le chat, fait que c'est ça que ça fait. Puis, ben, j'espère qu'on va avoir du monde. On est mardi soir, 8h30, quasiment 9h. C'est vrai, je me pensais samedi, je sais vraiment pas pourquoi. Je suis tout perdu, là. Toute la journée aujourd'hui, je me suis pensé comme vendredi, c'était bizarre. Ça va pas bien nos affaires de GF. On non. A besoin de vacances, là. Ouais, je pense que oui. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Puis toi, ça va? Ça va super, super. On fait un petit épisode, ça fait du bien. Je prends ça relax, j'ai un petit Pepsi. Tu disais que ça nous prend un break. On se faisait justement dire sur notre page Facebook qu'on était très productif avec Horror Gamer et tout. T'sais. Ben, c'est oui. Ce qu'il faut. Il faut garder la cadence. Je pense que un bon site ou un bon podcast se doit d'être à jour avec la clientèle. Oui, je pense que c'est ça la clé justement de la réussite d'un podcast, c'est que ça... Si tu commences à sortir un show une fois par mois, pas que je veux critiquer Chaos Theory, là, mais je trouve que c'est quand même un peu trop espacé, puis c'est long, c'est difficile de garder. Parce que t'allais dire Horror Web, eux autres aussi, c'est assez espacé en général. Ben, en fait, eux sont tellement en retard qu'ils ont déjà 20 épisodes de prêt pour, pour les prochaines semaines. Fait. C'est vrai. C'est ça qui arrive. Là, j'ai skippé leur épisode sur Wes Craven parce que j'ai... je pense que la semaine que Wes Craven est mort, ou la semaine d'après, ou en tout cas dans les semaines qui ont suivi, tous mes podcasts préférés ont tous fait un épisode spécial à Wes Craven. Fait que j'ai comme... en écouter un, c'est comme toutes les écouter, dans le fond. Fait que ouais, je... c'est rentré un peu dans le moule. Fait que... Non, moi non plus, je l'ai pas écouté. Puis je voue pas un culte tant que ça à Wes Craven. J'ai pas vu tout ça. Non, c'est pas grave. Je suis pas non plus le plus grand fan de Wes Craven, mais je le respecte beaucoup. Puis ah ouais, je respecte ce qu'il a fait, mais je suis pas non plus son plus grand admirateur non plus. Mais j'ai rien contre, c'est juste que j'ai pas vu tous ses films. Puis en entendre parler à tout bout de champ, c'est comme ouais, je les ai pas vus. Fait que ça me, mais c'est ça. Non, ça va très bien. Puis on parlait juste avant l'enregistrement de ton nouveau joujou. Oui, mon petit Apple TV. Là, je suis rendu avec un ordinateur Mac, j'ai une tablette, j'ai l'air d'un espèce de geek pro Apple, puis je vais commencer à faire chier tout le monde. Mais non, totalement converti. Non, mais j'aime les produits d'Apple, je suis rarement déçu, puis ça t'offre longtemps. Mais mon Apple TV, c'est vraiment le fun, puisque c'était plus pour iTunes, parce que j'adore louer mes films qui sont souvent en avant-première. Cette semaine, il y avait Knock Knock avec Keanu Reeves, Daily Roth, puis The Final Girl qui était disponible. Fait que je voulais vraiment les voir, puis j'étais comme, je suis tanné, là, mon portable est en train d'aller chez Diable, puis c'est mon seul moyen de connecter à la télévision, puis écouter un film sur mon Mac, ça me tente pas, j'ai envie d'être dans mon divan, puis être confortable avec un bon système de son. C'est tout le temps ça qui est le mieux. Ben oui, fait que je l'ai testé cette semaine, j'ai loué The Final Girl, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, ça va bien, puis en même temps, je voulais être certain de l'avoir avant vendredi. Parce que vendredi qui s'en vient, je continue à faire de la pub pour ce film-là, il faut. Mais c'est Tales of Halloween qui sort dans des salles à travers le Québec, quelques salles, puis sur iTunes VOD. Fait que je vais faire encore une grosse pub sur Horror Gamer puis sur ma page Facebook. Ça va être comme la dernière journée, puis là, ça va être comme, bon, ben maintenant, écoutez-les, puis c'est top. Puis tu parles de Final Girls. Il n'y en a pas mélangé avec le film qui s'appelle Final Girl au singulier. Avec, c'est les deux films du même titre. Oui, avec Abigail Breslin. Là, tu parles de la comédie d'horreur. Je pense que c'est une comédie d'horreur, si je ne me trompe pas. Exactement, oui, c'est très comédie d'horreur. La bande-annonce, ça donnait vraiment le ton. Là. C'était extrêmement drôle, la bande-annonce. Oui, ben en fait, c'est vraiment la version slasher du dernier des héros avec Arnold Schwarzenegger. C'est pas mal, c'est pas mal le même principe, puis c'est vraiment le fun. On va sans doute en reparler sur Horror Gamer. C'est très vendeur comme description. Moi, j'adore Last Action Hero, puis c'est un film qui est juste sorti au mauvais moment. C'était comme en avance sur son temps. Puis ça a été un flop, mais tu sais, quand tu regardes comme il faut le film, c'est vraiment un film brillant qui était super original, puis qui osait des choses qui n'étaient pas souvent faites dans ces années-là. Puis c'est juste qu'il y a eu de la malchance, mais tu sais, aujourd'hui, je pense... Moi, je ne l'ai jamais vu comme un flop, parce que moi, j'avais l'âge pour l'écouter. J'avais 16 ou 15 ans quand ça a sorti, tu sais, puis j'ai trippé sur ce film-là. Ben, moi aussi, je l'écoutais beaucoup à la télévision quand j'étais jeune. Ça jouait à TVA, TQS, mais dans ma tête, j'ai tout le temps cru que c'était un gros succès, que c'était un classique comme Terminator. Puis quand j'ai vu par la suite dans les documentaires que, tu sais, il y avait eu un gros marketing, il y avait même un ballon gonflable géant d'Arnold Schwarzenegger avec son coat comme dans le film, puis ça avait été vraiment, mais vraiment un big flop. Puis je suis comme, je comprends pas, mais en même temps, des choses qui arrivent. Oui. Podcast est commandité par Pepsi. Fuck you, Coca-Cola! sinon, Apple TV, t'as plusieurs applications que tu peux ajouter, je pense, plusieurs channels ou plusieurs... Oui, ben j'ai pas eu la chance de le tester plus qu'il faut. Je vais essayer de voir comment je fais pour rajouter des applications et des channels parce que je l'ai testé au Best Buy pour le fun, puis il y avait des postes comme AMC, ces choses-là, mais là, à la maison, il n'y a pas AMC puis d'autres postes que j'avais vus. Tu payes pour un abonnement, je suppose, pour AMC ou pour HBO, de faire comme ça, là? Ben, probablement, mais c'est que j'ai même pas l'icône pantoute, fait que je vais essayer de voir comment je fais pour downloader ou mettre des trucs sur l'iPod, mais pour le moment, les principales sont là. OK. T'as accès à YouTube, des trucs comme ça, là? Ouais, Crackle, puis Netflix. Netflix. Mais c'est pas comme le Roku, tu sais, t'as pas plein de... Chantal. Invitation, Chantal! On parle du Apple TV, est-ce que t'es fier du Apple TV? Ouais, I guess. OK. J'aime son chandail. Garde ton enthousiasme. JFM, ton chandail de Cube Show. Ah, merci. Non, mais c'est ça, c'est pas comme le Roku. T'as pas un gratteux Pac-Man. Wow. On va peut-être devenir millionnaire. Grâce à Pac-Man. Grâce à Pac-Man. Non, mais c'est ça, il n'y a pas autant de postes que ton Roku. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'on veut s'acheter également le Roku parce qu'on veut se débarrasser du Lico. On commence vraiment à être tanné. Ben, ça reste à vérifier quand tu sauras comment les ajouter. T'as bien qu'il y en a autant. Là. Moi, j'en ai rajouté, j'ai tout mis ça un par un. Là, OK. Les sites du Roku, puis tu peux. Les channels du Roku, puis c'est ça, j'étais en train de penser en même temps que tu peux aller sur le site internet puis les rajouter comme ça, ben, le faire direct sur la machine, ou en tout cas. Mm-hmm. Ça marche pour Apple TV, là, mais tu peux sûrement aller sur une sorte de façon de faire. Là. Probablement. Je vais vérifier ça. Sinon, qu'est-ce qu'on disait justement? Ben, je sais pas. Je suis en train de penser, on va le dire tout de suite, on pourrait le dire à la fin, mais surveiller en fin de semaine, on devrait faire un épisode d'Horror Gamer Live. Maintenant que j'y pense, je vais le dire, d'un coup que je l'oublierai. probablement vendredi ou dimanche, on ne sait pas encore. Mais puis un épisode spécial vraiment le fun. On va être une grosse gang, en tout cas, j'espère. J'espère aussi. Ça va. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr de la date encore, c'est en train de se travailler. Mais, ouais. Puis on va parler des 31 jours d'horreur gamer. Ah, puis on a un nouveau site d'horreur gamer. On n'a pas encore parlé live, mais c'est horreurgamer.ca. Horreur gamer, dans le fond, si vous écoutez le bras de faire des films, vous écoutez souvent Horror Gamer, vous le savez, mais juste pour ceux qui nous pogneraient par hasard comme ça, qui sont en train de checker des chaînes sur YouTube au hasard. Mais Horror Gamer, on en fait partie, toi puis moi, puis c'est à partir de là. Dans le fond, nous autres, on a commencé à faire du podcasting sur Horror Gamer, puis on continue à en parler tout le temps. Notre passion, c'est l'horreur, puis tout. Le cinéma de cours. Oui, on est moins des gamers. Ben, quand je parle de moi dans mon cas, je sais que toi, t'en es un peu, puis les autres aussi, mais moi, je ne suis pas vraiment. Fait que moi, je suis plus l'aspect cinéma. Mais je pense qu'ils ont appelé ça Horror Gamer, parce qu'au départ, ils pensaient peut-être se concentrer plus sur les jeux vidéo d'horreur, mais maintenant, je pense qu'on parle pratiquement jamais de jeux. Fait. Ben là, c'est le fun sur le site horrorgamer.ca, tout en un mot. On a les archives qui remontent jusqu'au 13e épisode. Avant ça, on n'a plus les épisodes, les 12 premiers. Mais le 13e, 14e, 15e, les 3 ou 4 premiers qu'on a, c'est le fun parce qu'on peut entendre les différences avec l'équipe actuelle parce que c'était l'ancienne équipe, si on peut appeler ça de même. Puis parce qu'il y en a qui sont encore dans le paysage. Mais en tout cas, peu importe. Mais... tu les écoutes parler, puis c'est vraiment des critiques de jeux de vidéo, vraiment plus qu'à cette heure, là, de temps en temps. Ouais. Quand Pierre est encore animateur, parce que je dis pas qu'il l'est plus, là, qu'il sera plus, mais en tout cas, des dernières fois qu'il était là, et des fois, ça y arrivait de parler de jeux, mais même Sébastien aussi, mais on est vraiment plus focusé sur le cinéma. Fait que c'est ça, on a le nouveau site qui est focusé sur les podcasts. Maintenant, il n'y a plus de nouvelles, plus de top 10 ou quoi que ce soit qu'il y avait d'autres, là, mais on est vraiment juste focusé sur le podcast. Puis il y a une page pour le Twitch à Pierre parce qu'il fait des diffusions live sur Twitch de ses jeux vidéo souvent. Fait que... De toute façon, je pense que c'est une bonne chose d'essayer d'enlever le plus de trucs qu'il y avait sur le site parce que les news, honnêtement, tout le monde regarde ça sur Facebook maintenant. C'est bien rare que le monde va prendre la peine d'aller sur le site pour aller vérifier les nouvelles alors qu'on est déjà en train d'en poster constamment les nouvelles bonnes annonces et tout ça. Ouais, les sites de news d'horreur puis de d'autres affaires, mais surtout d'horreur parce que j'en lisais plein avant, ça a beaucoup changé. Là. Mm-hmm. Tu sais, avant, j'allais tout le temps sur Bloody Disgusting, j'allais tout le temps sur Dread Central, j'allais tout le temps sur toutes sortes de sites, puis ça a vraiment changé depuis un bout. À part ça... Ben, j'allais dire, peut-être avant qu'on commence, on avait déjà mentionné dans l'autre épisode qu'on allait voir Jim et les Hologrammes au cinéma qui sort le 23. Et tu me l'avais fait remarquer, mais j'avais oublié. J'ai vu aussi qu'il y avait pas vraiment l'activité de Ghost Dimension qui sortait en même temps. Puis je suis comme... j'imagine que j'aurai pas le temps d'aller voir les deux la même fin de semaine. Fait que je suis comme... Je m'imagine déjà être dans la salle de Jim puis que l'autre film joue. Puis je vais être comme... Non, je dis ça, puis peut-être dans le fond, je vais préférer Jim et les Hologrammes. Tu vas adorer Jim. Tu vas sortir de là, tu vas t'acheter un soundtrack sur iTunes. Puis... Ouais. Puis après, je vais aller voir Paranormal. Je vais faire est-ce que c'est meilleur, Jim? J'ai retourné voir Jim. Tu sors de la salle en plein milieu de Ghost Dimension, puis tu vas voir Jim. Si j'ai réussi à écouter le 4 au complet, je vais être capable d'écouter le dernier volet de Paranormal Activity, parce que je me dis qu'ils ne peuvent pas faire pire que le 4e. En effet. Sinon, c'est ça. Mais j'ai hâte de faire cet épisode-là, ça va être le fun. Mais je les oublie, mais il faudrait que j'ai pas de mémoire en général, là, tu on dirait, depuis que, qu'à force que je vieillis, ça... Mais non, ce que je veux dire, c'est que les paranormales activités, en général, je finis par les confondre souvent. Là, je me rappelle beaucoup des deux premiers, je sais pas pourquoi ils sont vraiment ancrés dans ma tête. À partir du 3, là, ça devient un peu... fouillis 3, 4, puis le 4,5. Ben surtout que plus ça va, puis plus les twists qui essaient de ramener des épisodes suivants, mais c'est vraiment dans les détails. Fait qu'il faut quand même que tu te rappelles assez bien des épisodes. Moi, ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, ma mémoire. Quand c'est le temps de se rappeler des films ou des scènes, ben ma mémoire est bonne pour ça. Pour d'autres choses, des fois, c'est pas extra, mais... Ben, c'est ça, on est sélectif dans notre mémoire, parce que j'ai une très, très bonne mémoire pour les séries télé. J'en ai tellement écouté, puis je suis capable de me rappeler de détails d'épisodes là, qui est perdu dans une série de 8 saisons à 20 épisodes par saison. Je suis capable de me rappeler des fois de détails de certains épisodes. T'sais. Comme X-Files, là, il y a plein d'épisodes que je réécoute, je m'en rappelais de telle affaire. T'sais. Je pourrais te parler de toutes sortes de séries que j'ai écoutées, puis de plein de petits détails. T'sais. X-Files qui recommence en janvier. Oui. Maudit que j'ai hâte. J'ai très hâte. Les previews sont vraiment cool. Oui, t'as-tu vu celle-là faite un peu en cartoon durant la... Je sais plus quelle autre série. Je pense que c'était durant Scream Queen, justement, qu'il l'avait passé. Je l'ai vu sur Facebook aujourd'hui. Mm-hmm. Ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus. J'espère que ça va marcher, puis j'espère premièrement que ça va être bon, parce que j'aurais pas envie que ça soit... comme le dernier film est tiré sur une saison, parce non, que c'est ça serait... Non, c'est 6 épisodes, t'en as 3 mythologies puis 3 stand-alone. Fait que... C'est juste 6 épisodes? Oui. Ah là, tu viens de me décevoir. Je croyais que c'était au moins minimum une dizaine. Non, c'était dans le fond, ils font ça pour voir si ça va marcher. C'est ça, c'est une mini-saison spéciale. OK. Ouais. Bon, ben, reste juste. Mais toute la vieille gang, tous les auteurs sont là, James Wong puis Glenn Morgan qui ont fait les Final Destination sont de retour. C'est eux qui ont starté X-Files avec Chris Carter. Fait que, oui, c'est vrai. T'as Glenn Morgan puis son frère Darren qui étaient deux auteurs aussi. Puis une couple d'autres, là, je me souviens plus lesquels, mais ouais. Ça va être vraiment cool. Puis, tu as mentionné Scream Queens. Ben on voulait justement en parler un peu. On peut en discuter un peu. Moi, je suis un gros fan de Scream Queens. Je sais qu'on devrait en parler dans Horror Gamer parce que c'est de l'horreur, mais en même temps, il y a tellement de comédie, puis c'est tellement what the fuck, puis over the top, que juste les deux premiers épisodes, la première de deux heures, c'est malade mental. Il y a tellement de trucs que tu peux citer, puis de personnages qui sont devenus quasiment des icônes en deux heures là, de télévision. Là, c'est fou. Là. Moi, je faisais juste penser à la Taylor Swift sourde ou à toutes sortes de Elle est vraiment drôle, Taylor Swift sourde. Taylor Swift, t'as Léa Michel qui joue une handicapée avec son truc pour le cou, puis qui a l'air de noun comme ça. Puis t'as. Elle était tellement plus glamour dans Glee, Léa Michel, puis là, tout à coup, elle complètement le contraire. T'as Emma Roberts, qui est la bitch parfaite. Là, elle le faisait déjà dans American Horror Story 3, mais là, elle est encore une coche au-dessus. T'as Jamie Lee Curtis qui s'amuse au bout. T'as tellement des personnages le fun. T'as la femme qui fait la sécurité, la noire. C'est-tu qu'elle est drôle? J'ai oublié son nom de personnage, mais en tout cas, elle est tellement comique, cette femme-là. Puis dans les épisodes qui suivent, le 3 et le 4, elle est encore plus comique, là, puis elle prend de plus en plus de place. Puis, moi, j'aime beaucoup le personnage du gars. J'ai oublié son nom, lui, également, parce que j'ai juste vu deux épisodes. Je suis en retard, fait que j'ai pas encore acquis les noms des personnages, mais c'est lui qui est comme le chef du groupe, puis tout en train de parler Chad. De lui. Ouais. Chad, ouais, Chad. Puis je trouve ça tellement drôle, là. Puis dans les... Il arrête pas de rompre puis de revenir avec sa copine, puis elle revient, puis il est avec son chum, son ami de chambre qui veut tout le temps être proche de lui, puis de revenir dans la vie. C'est ça que j'allais dire. Lui, c'est joué par un des frères Jonas qui était dans le groupe les Jonas Brothers. Tu sais. Ouais. Puis qui d'autre que Ariana Grande, la chanteuse qui est là-dedans, puis qu'elle a une scène incroyable dans un des deux épisodes, là, des deux premiers. Là, c'est... Super parodie, vraiment drôle, puis ça va loin. C'est ça que j'aime la série. Au départ, je n'étais pas certain, mais c'est parce que ça part dans tous les sens, c'est vraiment over the top, tu sais, c'est loin d'être sérieux, là. C'est vraiment du gros fun, du gros délire, ça va dans les clins d'œil, les parodies, puis la surenchère, au point que par moment, tu te dis, OK, ouais, ils mettent ça haut, mais des fois, ils le dépassent, puis ils vont vraiment jusqu'au bout, puis ils l'assument. Puis tu parles de la scène, justement, avec Ariana Grande. Puis, tu sais, au début, tu es comme, aïe, c'est tellement niaiseux, mais ils continuent, puis la scène, plus qu'elle avance, plus qu'elle va vraiment over the top dans la stupidité. Puis ça fonctionne, tu sais, tu ris, puis c'est vraiment le fun. Puis je comprends qu'il y en ait beaucoup qui n'aient pas forcément accroché, parce que. En même temps, faut que t'aimes ce style d'humour puis de côté excentrique parce que c'est loin d'être une série sérieuse comme Scream qui est sortie récemment que tu peux vraiment suivre pareil comme un véritable slasher de série tandis qu'ici, on est plus là pour rire et s'amuser. Ouais, puis il y a de l'humour dans Scream, mais c'est vraiment plus contrôlé tandis que dans Scream Queens, ça part dans tous les sens. C'est over the top, c'est des parodies de personnages, c'est des parodies de bitch de sororité, c'est des parodies de... Même Jamie Lee Curtis me fait un peu penser au personnage de la coach d'Angly. Peut-être pas aussi... La coach d'Angly, c'est devenu vraiment une icône tellement bien définie puis tellement le fun, tandis que je suis pas encore vraiment si accroché que ça au personnage de Jamie Lee Curtis. Je suis pas capable de la définir tant que ça. Elle n'a pas de particularité encore que je suis capable de ressortir de son personnage, à part le fait qu'elle est un peu « man-eater », comme on dit en anglais. Elle s'intéresse aux hommes puis elle est prête à tout faire pour... en même temps, c'est ça, elle crouse un personnage important dans la série pour essayer d'arriver à ses fins un peu. Mais c'est ça, elle est étrange. Mais l'actrice est vraiment... On la connaît toutes, puis elle s'amuse. Je pense qu'elle s'amuse vraiment dans cette situation. Elle s'amuse, Pierre. Je pense que c'est vraiment... Ben, tout le monde s'amuse, puis ça paraît. Puis... Oui. Dès le premier épisode, ça me rappelait, sans que l'humour soit tout à fait identique, ça me rappelait beaucoup le film Heather avec Kristen Slater, puis Winona Ryder. Winona Ryder. Puis tu sais, même là-dedans aussi, t'as les headers, t'as trois headers. Puis dans Scream Queen, t'as trois personnages qu'elle les appelle toutes. Les Chanel. Les Chanel. Chanel A, B, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ça me rappelait ça. Puis c'est un peu, je trouve que c'est quand même quelque chose qui se rassemble, puis pour ceux qui auraient vu Heather, ça pourrait peut-être être dans vos cas. Mais c'est tous ces films de clics là, de d'école, comme Mean Girls aussi, il y a des rapprochements à faire avec ça, puis probablement Clueless, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu, il y a des... Chaque génération a eu sa clique, tu as eu les années 80, tu as eu Heathers, tu as eu justement ceux que j'ai nommés, là, Clueless, puis Mean Girls, puis ça serait fun que Scream Queens devienne un peu ça, là. Mais c'est moins sérieux, tu sais. Tu sais, on dit que c'est moins sérieux, c'est plus comédie, mais je veux dire, l'horreur est quand même présent. Le tueur est quand même cool. C'est sanglant, puis j'aime beaucoup l'habit du tueur, mais il y a aussi beaucoup de clins d'œil au cinéma d'horreur. Juste dans les deux premiers épisodes, tu as des reprises de la scène de douche de Psycho, ou tu as même une reprise de l'apparition de Michael Myers dans le premier Halloween, quand il se tient à côté d'un buisson qui va se cacher derrière. T'sais, quand tu prends la peine de regarder, c'est vraiment bourré de références, puis c'est pensé aussi pour les fans d'horreur, tu sais, même si la série bascule de deux côtés, je trouve que les deux finissent par bien se rejoindre, puis sur deux épisodes, moi, je trouvais que ça fonctionnait bien, puis tu sais, j'ai vu les commentaires que tu me dis sur les épisodes suivants, puis d'autres personnes qui ont continué la série, puis le monde adore, puis trouve que c'est de plus en plus mieux, sauf que apparemment que les codes d'écoute ont un peu baissé, fait que j'espère que la série se fera pas annuler rien de ça. Je serais très déçu. Puis en même temps, moi, j'ai l'impression que ça pogne, mais je sais pas, je suis la page Facebook de Scream Queens, puis ils font toutes sortes de memes, toutes sortes d'affaires pour générer de l'intérêt tout le temps. Puis j'ai l'impression que ça peut vraiment devenir big, cette série-là, puis être très. Seulement, ça crée des moments. Il y a des moments, plein de moments que tu peux citer. Il y a tellement des citations à sortir de cette série-là, puis des scènes que tu peux faire des. Tu peux juste sortir des images de ça super fortes de ces scènes-là. Puis, je sais pas, les personnages sont super bien. Sont quand même bien. Je veux dire définis, mais en même temps, ça dit le contraire à ce que j'ai dit tantôt. C'est en fait Jimmy Curtis qui n'était pas bien défini. Mais, tu sais, non, c'est ça, j'aime beaucoup les Chanel. Puis, c'est ça, c'est une série. Ce que j'aime beaucoup de la série, puis je suis un grand défenseur des films de femmes et de séries pour femmes, puis la série, je trouve, met beaucoup en vedette des femmes fortes, puis on le voit de plus en plus dans les épisodes qui suivent. Mais dans les deux premiers, on le voit aussi très bien, que les personnages féminins sont tous forts, tandis que les personnages masculins sont beaucoup moins mis à l'avant-plan. Puis c'est bien correct, là, il y a eu tellement eu dans l'histoire des séries qui étaient dominées par les hommes, qu'il en faut des... C'est le temps qu'il y ait qui sont faites pour les femmes. Puis c'est un peu c'est un peu le cas pour toutes les séries de Ryan Murphy, que ce soit Glee ou que ce soit American Horror Story. Il y a tout le temps eu des femmes fortes. Les femmes sont toujours les plus fortes là-dedans, tu sais. Les femmes ou les gays dans le cas de Glee, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis il y a une scène dans le quatrième épisode qui m'a tellement fait rire dans la cafétéria. J'en dirai pas plus, mais ceux qui l'ont vu vont se mettre à comprendre où ce que les femmes décident de s'affirmer. C'était assez jouissif comme scène. Puis, non, c'est ça. J'espère que ça va marcher, que plus de gens vont le regarder. Tu sais. Je l'espère de tout cœur aussi. Des fois, il faut laisser un peu de temps. Tu sais, le monde, c'est parce que tu regardes des séries qui sont vraiment populaires de nos jours, qui sont rendues à plusieurs saisons, mais tu sais, on a toutes commencé par les premiers épisodes. Tu sais, quand tu embarques, c'est nouveau. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus long avant de se faire et à se dire que ça va être meilleur. Parce qu'il y a des séries qu'à partir de saison 2 ou 3, là, tu te dis « Asti, que c'est débile ». Tu sais, là, c'est une première saison. Il faut laisser le temps à la série de rôder puis d'avancer, là. Ouais, puis la façon d'écouter la TV n'est plus la même. Tout le monde, ils vont attendre que la série soit toute sortie sur Netflix ou ailleurs ou en DVD, tu sais, pour la regarder d'une traite. Fait que c'est pas la série, mais la saison, tu sais. Fait qu'il y a un peu ça, je pense. Les gens sont plus prêts à le regarder à TV avec des annonces, tu sais. Je pense que ça joue, en tout cas. Peut-être pas, là, mais j'ai l'impression que oui. Ils devraient surtout aussi se fier sur les ventes lorsqu'ils vont sortir les coffrets, parce que des fois, je pense qu'ils doivent rentrer dans leur argent avec ça. Là. Oui. D'ailleurs, le gros côte rouge derrière toi ressemble un peu au costume du tueur. En fait, il est brun. Ah, OK, d'ici, je voyais rouge. C'est beau. Vite de même, on dirait le côte de Paul Newman dans le film d'arnaque de Billard qui joue avec Tom Cruise, si je ne me trompe pas. Ah, la couleur de l'argent? Oui, exactement. Je me pense à Paul Newman à chaque fois que je mets ce manteau-là, puisque moi, ouais, mais j'ai tellement pas le charme de Paul Newman. Ah ben un peu, peut-être qu'on, ouais, je vois la ressemblance. Là. Ouais, ouais, à vous. Mais, ben sinon, on peut commencer à jaser de films, peut-être. Ben oui, bien sûr. Veux-tu y aller? C'est comme tu veux. Vas-y. Je vais te faire plaisir, JF. Je vais débuter avec Spy. Oh, c'est vrai, cool. Oui, je l'avais écouté, je l'ai acheté. J'avais oublié que tu l'avais vu. Ma blonde est une grande fan de Melissa McCarthy. Puis elle ne comprend pas le monde qu'elle déteste, mais bon, ça, on s'en fout parce que je trouve plus ça la va, plus je trouve que c'est une actrice qui est vraiment talentueuse puis qui ne fait pas juste jouer tout le temps le même personnage ou la même fée moronne. C'est plate parce que à chaque fois qu'il y a un acteur de comédie qui est gros, puis je ne veux pas généraliser, mais globalement, tu regardes Chris Farley. Je ne mettrais pas John Candy parce que je ne trouve pas qu'il était dans cette catégorie-là, mais ils vont juste être des comédiens qui vont s'amuser à se péter à gueule, avoir de la misère à monter sur un comptoir parce qu'ils sont gros. Je pense justement à l'acteur qui est avec Adam Sandler, qui fait des films solitaires, Paul, le garde de sécurité du mall, tout ça, ouais. Qui fait beaucoup de films. C'est tout le temps des jokes de même, de gros qui a de la misère à passer dans un trou, ces choses-là. Puis, tu sais, au départ, elle a un petit peu usé de tout ça. Tu regardais la bande-annonce de Tammy, puis c'est un peu ça qu'elle faisait comme style d'humour. Mais quand elle est avec Paul Feig, je trouve que c'est autre chose. Puis, tu sais, oui, de temps en temps, on a une petite joke qu'elle va rouler sur un scooter, puis le scooter va tomber de côté, puis ça va être drôle. Mais c'est pas que ça. Puis, mais c'est ça, je pense qu'elle a fait juste deux. C'est parce qu'elle a fait deux, trois films où les gens l'ont associé à ça, mais elle a tellement fait d'autres choses avant, puis elle est tellement plus versatile que ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas parce qu'un acteur est gros qu'il n'est pas capable d'être versatile. Tu sais, prends Jack Black qui a fait des rôles complètement à l'opposé des fois, tu sais, que ce soit dans King Kong ou dans Shallow Hal ou peu importe, School of Rock, tu sais, des trucs comme ça. Ou tu as John Goodman qui a une carrière incroyable. Tu sais, t'en as eu des gros là, qui sont. Puis on ne dit pas ça de manière méchante, mais tu sais, t'en as eu des gens de corpulents. Kathy Bates qui a eu quand même assez forte. Comme femme, tu sais. Mais... Je t'ai dit, John Candy, je l'aimais pas dans cette catégorie-là, puisqu'il faisait de l'humour, mais j'aimais par rapport forcément à son physique à tomber ou ces trucs-là. Mais c'est ça, tu sais. Puis, non, mais tu sais, je pense qu'on l'a juste. C'est parce qu'en même temps, dans deux, trois années, c'est sorti justement de Tammy, puis le film avec voyons, c'est quoi son nom? Un voix d'identité à Jason Bateman. Exactement, Bateman. Oui. Puis c'est ça, une couple de films où ce qu'elle faisait, la grosse nounoun. Dans The Heat aussi, de Paul Feig, qui est un peu ce personnage-là, la grosse qui parle mal, mais tu sais, ouais. c'est pas ça, Melissa McCarthy. Puis en même temps, elle est bonne dans ces rôles-là quand même. Elle les joue bien, tu sais, ces personnages-là. Même quand on les aime pas nécessairement, elle les joue bien. Puis dans The Heat, c'était super drôle, là. Mais ça représente pas juste la palette de personnages qu'elle est capable de jouer. Elle est capable de jouer d'autres choses. Puis je trouve que The Spy, à date, c'est le meilleur film pour la représenter. Et c'est le meilleur film du duo Paul Feig et C'est un film super varié qui a vraiment un humour bien écrit. Puis vraiment, je pense... Tu pouvais déjà voir leur style depuis Bridesmaid, mais je trouve que là, à force de rôder, il y a eu The Heat, puis je crois qu'il y en avait eu un autre, je ne suis pas sûr. Entre Bridesmaid, The Heat, puis ça, puis Ghostbusters qui s'en vient. Ghostbusters, puis je trouve qu'avec The Spy, ils ont eu le temps justement de peaufiner leur style, puis leur côté, puis ils ont vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, puis moi, je trouve ça vraiment le fun. Parce que cette année, on a eu trois ou quatre films d'espions. C'est comme devenu à mode cette année. Là, on est comme avec Kingsman. On a eu le nouveau film de Guy Ritchie qui était... Yes. Puis là, on a The Spy. Puis ça aussi... The Spectre qui s'en vient. Oui, The Spectre, c'est vrai, de nouveau James Bond. Puis Spy se veut comme un hommage au James Bond et ces choses-là, sans tomber forcément là-dedans. Je trouve que ça devient quand même une comédie qui va avoir sa propre identité et les personnages sont savoureux. C'est un film d'espion qui se tient, là. Je trouve que l'action se tient. Là. Ben c'est ça, c'est pas une parodie. Quand c'est le temps d'avoir de l'action, ce sont des bonnes scènes d'action sérieuses avec de l'humour de temps en temps, évidemment. Mais je veux dire, c'est quand même... C'est pris au sérieux. Là. Je veux dire, il y a un bon dosage entre le film d'action et la comédie. Puis, ce que j'aime, moi, c'est les petites doses d'humour parsemées partout dans le film. C'est comme juste dans les bureaux, c'est au FBI qu'elle travaille, je pense, ou à CIA, mais je pense que c'est au FBI. dans le bureau, ils ont un problème d'infestation de bébites, tu sais, mais à chaque fois, ça change. Ça va être des chauves-souris, ça va être des souris, ça va être telle affaire, tu sais, des... c'est comme... Mais d'où ça sort? C'est au début, ça, ça l'empêche tout le temps. Au début, tu comprends pas, tu sais, mais ça va-tu avoir un... ça va-tu jouer un rôle dans quelque chose? Mais non, c'est juste s'il y a une infestation dans les bureaux, puis ça l'empêche tout le temps, tu sais. Ils sont tout le temps poignés avec ça, puis... Mais la relation entre Melissa Fake, tu sais, Melissa McCarthy, puis le jeu entre elle et Jason Statham, là, c'est malade, là, je trouve. Mais ça, j'allais le dire, moi, Jason Statham a vraiment été une révélation dans ce film-là pour ma part. C'est pas un grand jeu d'acteur, mais c'est juste que il joue vraiment la comédie là-dedans, puis il est vraiment. Je le trouvais déjà drôle. Comique dans les Expendables, comme sidekick de Stallone, mais là il est comique full pin. Là. Ah, tu sais, c'est comme l'agent qui se pense meilleur que tout le monde puis qui a survécu à tous les trucs. Il a vécu tous les trucs inimaginables. Sa famille a été tuée, brûlée ou peu importe. Mais que tout le monde le niaise au bureau parce qu'il est considéré comme le dindon de la farce. Puis là, à un moment donné, il dit « Vous avez juste à me faire changer d'apparence. » La machine à rentrer dans la machine de changeur d'apparence. Il y a comme un nom pour cette machine-là. Puis là, les deux gars en ont vendu pas arrêt. Puis la fille, elle regarde, elle dit, c'est parce que ça n'existe pas, cette machine-là. Écoute, ben, moi, je suis sûr que ça existe. Puis c'est les deux gars qui font juste l'ingaiser à tout bout de champ. Puis... Ah, mais toutes les scènes entre elles, puis lui, là, c'est de la magie, là, je trouve. Ah, c'est merveilleux. Ils sont tout le temps en train de s'envoyer chier sans s'envoyer chier, forcément. Puis elle est aussi badass que lui, là, tu sais. T'es aussi badass, puis lui, il est tout en train de dire qu'elle va tout foirer, mais c'est tout en lui qui foire toutes les missions et les situations. Mais finalement, les deux vont pareil s'aider de temps en temps que ça va... Puis, tu sais, par moment, tu dis, OK, peut-être que Jason Statham, il joue un jeu, puis dans le fond, il est vraiment un espion brillant comme Jude Law. Tu sais, au début, tu vois le personnage de Jude Law, puis c'est comme l'espion parfait, avec chorégraphie, il pète la gueule à tout le monde, il a la classe, puis il est vraiment... Il fait chier, il vieillit pas, ce gars-là, puis il est svelte, puis il est beau, puis tout, tu sais, puis c'est cool. Ah, il paraît bien, Jude Law, c'est fou. Puis vous avez la même coiffeur. À chaque fois que je vois des cheveux de Jude là, c'est comme c'est... Mais je regardais le début du film, je suis comme, va chier Jude là. T'as quoi, 45 ans à peu près, puis t'as cette apparence-là, puis il est tout mince dans son grand costume. Mm. Puis comme... Mais l'idée de base du film, moi, je l'ai vraiment trouvé le fun, le fait qu'elle ait tout le temps été la fille derrière le micro, puis à guider Jude là dans ses gestes, puis... Que finalement, c'est, dans le fond, si elle ne serait pas là, Jude Law serait peut-être pas une aussi bonne agent. C'est elle qui dit qu'il va y avoir deux gars qui vont arriver, puis elle guide vraiment. Puis le fait que tout va prendre une tournure, puis que c'est elle qui va devenir l'agent sur le terrain, parce que les terroristes du film n'ont jamais vu cette fille-là. C'est une fille qui travaille au bureau. Puis c'est là qu'on va découvrir peu à peu qu'elle a, pareil, des compétences, même si elle n'a pas vraiment confiance en elle. Puis à chaque fois qu'elle pense qu'elle va avoir une nouvelle identité cool avec un déguisement, c'est tout le temps des déguisements ridicules. T'sais, c'est la madame avec des chats. Là. Avec la perruque de vieille madame, avec un t-shirt de chat, puis c'est tout le temps pas cool. Puis les scènes entre Melissa McCarthy et Rose Byrne aussi, ça... moi j'aime beaucoup ça. Ces scènes avec Jason Statham puis ces scènes avec Rose Byrne sont tellement le fun. Là, les deux, là, ils étaient tous les deux dans Bridesmaid, puis les deux ensemble, ça, la chimie est incroyable, je trouve. Mais c'est drôle, mais je trouve que la chimie fonctionne entre tous les personnages du film. Même l'espèce de vilaine féminine, à un moment donné, ils se retrouvent dans l'avion, puis les deux. Ben, c'est elle, Rose Byrne. Ok, c'est elle. Ok, moi, je pensais que tu parlais de sa boss dans le bureau du FBI. Mais ah. Oui, leur chimie est vraiment écœurante, puis. J'ai vraiment eu beaucoup de fun avec ces deux personnages. Parce qu'elle faisait la bitch justement dans Bridesmaid, Rose Byrne, puis mm-hmm. quand tu la vois dans Insidious puis dans d'autres films, elle est tout le temps douce, puis tout le temps. Mais dans les films de Paul Feig, elle est tout le temps chiante. Elle est tout le temps chiante. Ouais, c'est vrai. Puis dans l'avion, c'est le fun. Puis c'est ça, toutes les scènes ensemble sont vraiment trippantes, je trouve. Puis ils ont un genre de respect entre les deux, tu sais, comme tu avais souvent dans des films pour hommes, souvent tu vas avoir un respect entre les deux gars, mais tu sais, même si c'est haïste, c'est la même chose ici, c'est le fun de voir ça. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, je crois, dans l'écriture de Paul Feig, c'est qu'à chaque fois que l'humour va vraiment se baser sur des fois de longs dialogues entre deux personnages, puis ça part dans tous les sens. Là, à un moment donné, il part d'un sujet de conversation, puis ça va enchaîner sur toutes sortes de choses. C'était comme « Hein? » Ça n'a aucun sens, mais c'est un peu comme t'expliquais les animaux dans le bureau, ça sort un peu de nulle part, mais c'est vraiment drôle parce que c'est juste bien... C'est bien écrit, les jokes sont vraiment... fun, j'imagine ça dépend du style d'humour des gens, mais moi j'accroche vraiment. De Heat, j'avais eu vraiment beaucoup de fun, puis de Spy, je trouve que c'est comme une version encore mieux maîtrisée de The Heat, parce que même à un moment donné, le personnage de Melissa va rejouer une couverture qui ressemble au personnage qu'elle jouait dans The Heat, une fille vulgaire qui parle mal, puis ces choses-là. Puis pendant cet instant-là, j'ai cru retrouver un peu le personnage de The Heat. Mais je trouve vraiment que là, on nous montre une palette de ses talents à Paul Feig puis à Melissa. Je trouve que ce film-là les met vraiment en valeur, puis ça m'a juste donné encore plus envie de voir Ghostbusters, parce que je me dis, ils sont tellement talentueux, je peux pas croire qu'ils vont botcher. Ils prennent vraiment le projet à cœur, puis le monde devrait juste leur donner une chance, puis arrêter de cracher là-dessus. Moi, je crois pas du tout que ça va être botché. Je crois qu'au contraire, ils vont se sentir gagnants de ça. Tu sais, The Spy, là, je pense que c'est un des films les plus hauts cotés sur Rotten Tomatoes. Il y a comme 89%, puis c'est plus que plusieurs d'autres films que la plupart du public adore. Mais moi, j'ai pas vu What We Do in the Shadows, mais moi, c'est ma comédie préférée de l'année, celle-là, Spy. S'il n'y aurait pas What We Do in the Shadows, Spy serait ma comédie de l'année aussi. J'ai vraiment eu beaucoup de fun. C'est drôle du début jusqu'à la fin. Même les bloopers, j'ai mis les bloopers en rien. Je sais pas si tu as eu la chance de les voir. Mais il me semble qu'il y en avait au cinéma. Il me semble que oui. À chaque fois que Jason Statham et elle sont face à face, puis qu'il est comme, j'ai été empoisonné 4 fois, puis à tous les coups, il n'est pas capable de parer. Ça marche pas. Je me rappelle. C'est vraiment drôle. Mais sa grande amie british qui est avec elle et qui est imbécile, elle me fait rire aussi. Je la connais pas, cette actrice-là. Mais elle va être là dans Ghostbusters, si je ne me trompe pas. Ça se peut peut-être. Je pense qu'elle joue un des personnages parce qu'elle a un visage assez particulier, puis je l'ai reconnu sur le poster. Fait que j'étais comme... Mais drôle, là-dedans, je la connaissais pas, puis elle est tellement imbécile. C'est drôle, elle est fun. C'est tellement la paix collègue d'espion que tu peux avoir. Là. Oui. À chaque fois qu'elle demande de faire de quoi, elle n'est pas capable de faire comme il faut, juste elle dans l'ascenseur. C'est ça. Mais tout le monde est le fun. Tu sais, même Bobby Cannavale qui fait le gros méchant à la fin, tu sais, il est fun. Tout le monde est le fun là-dedans. Là. C'est une comédie de bonne humeur. Puis des fois, tu as des gags qui va quand même, je veux pas dire loin, mais qui va un peu dans le sanglant vomi, si on veut. D'après moi, tu sais de quelle scène tu parles. De vomi là-dedans. La scène de vomi slow motion, mais tellement drôle, là. J'ai vraiment ri celle-là. Mais tu sais, t'as du sang là-dedans, t'as des scènes assez gore, t'as un coup, un nez qui se fait désintégrer par de l'acide, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai, je l'avais complètement oublié. Puis elle a regardé ça comme une. Ouais, hein. Mais tu sais, c'est ça, le film, je l'ai vu au cinéma, genre au mois de juin, mois de mai, puis ça fait 4 ou 5 mois de ça. Il est super frais dans ma tête. J'étais dans la fond, là, tu sais, j'étais sur le bout de mon siège, je riais tout le long, puis c'était vraiment trippant, je trouve. Non, j'ai vraiment trippé. Puis en même temps, je trouve non seulement c'est une bonne comédie, mais comme tu disais, c'est un bon film d'espion. Je pense que les amateurs de ce genre-là devraient apprécier, justement, parce qu'on en retrouve pareil des éléments qu'on aime. C'est ceux qui aimaient un peu plus les James Bond à l'ancienne, moins réalistes que ceux avec Daniel Craig, avec les gadgets. Il y en a plein là-dedans. Puis il y a tellement des scènes drôles lorsqu'elle s'en va en bas dans le sous-sol où ils font toutes les inventions. Et comme, oh, j'ai hâte qu'ils me donnent mes armes spéciaux, mes gadgets. Puis tous les trucs de gadgets qui vont être donnés, ça a tout rapport avec des morpions, des problèmes d'orteils, du lac. Elle ne peut pas voyager avec des crèmes qui disent qu'elle a tel problème. Tu sais. Elle peut juste pas changer l'emballage. Tu sais. Non. C'est ça. Puis, tous les trucs qu'il donne, ça a tout rapport à ça. Par moment, elle regarde, elle dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Il est super sévère en plus. Tu sais. C'est comme, tu m'as eu dessus, là, j'ai-tu fait de quoi de pas correct, là? Puis toutes les autres autour ont des affaires cool, tu sais, elles sont toutes des affaires tripantes. Ouais, les autres sont en arrière. Pendant ce temps-là, tu vois le monde en arrière qui essaie un jetpack, puis qui niaise en volant, c'est comme, ouais! Non, il y a tellement des idées le fun là-dedans, là. Le film est un petit peu moins fait parce que je l'ai quand même vu depuis une couple de semaines. Fait qu'il y a des trucs que j'aurais voulu parler lorsque je voyais le film que je me rappelle un peu moins. Mais honnêtement, je le conseille fortement. Là, si vous avez 2 comédies à voir cette année seulement, vous écoutez Spy puis What We Do in the Shadows, puis vous avez vos moments de ricanage. Là, c'est vraiment drôle. Mais c'est passé assez longtemps que je t'entends parler. Il faut que je le voie, ça. What We Do in the Shadows. Je suis sûr à 100% que tu vas adorer. C'est tellement dans tes cordes, là. C'est sûr. Un autre aussi film néo-zélandais que je voulais voir, c'est Housebound. Puis ça fait déjà un an et quelques là, que c'est sorti, je pense. Faudrait que je le voie. Oui, super bon. Ça fait que je l'ai vu l'année passée. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais avant que j'oublie, parlant des James Bond, hier, j'étais à un party de l'Action de grâce, un souper avec des amis. Puis un gars qui dit, il me regarde, un gars que je connais, un ami, il dit, je pense qu'il dit, genre, je me souviens plus de la date, je pense que c'est le 6 novembre que James Bond il sort, ou 7 novembre. Il m'a regardé, il dit ouais. 6 novembre. Je suis comme, ouais, quoi? Il dit James Bond. Je suis comme, OK. Il dit, on y va, là. OK. Fait que là, j'ai fini par dire que j'avais pas encore vu les films avec Daniel Craig, mais c'était pas prévu dans dans mes affaires. Je savais pas quand est-ce que j'allais les voir, mais je pense que ce mois-ci, dans les prochaines semaines, je vais voir je vais me taper les films avec Daniel Craig parce que je vais aller voir Spectre avec lui au cinéma. Okay. En fait, je te dirais, cool, tu vas débuter avec Casino Royale, qui est probablement encore mon favori. Je te dirais de sauter Quantum of Solace, qui est vraiment le moins. Non, mais je vais écouter, je vais suivre. Mais au mieux, tu le vois pareil. Fait que, écoute-les. Parce que je sais un peu ce qui arrive vers la fin de celui-là, puis le début de l'autre, tu sais, qui est supposé être mort, puis tout. Puis, Skyfall. Ben, c'est plus au début de Skyfall que ça arrive, ça. Mais, ben, je veux dire, c'est arrivé à la fin de l'autre, j'imagine, qui s'est fait. Non? Non, c'est vraiment le début de Skyfall. Ah, okay, je pensais que c'était un cliffhanger. Ben, en fait, honnêtement, tu sauterais Quantum puis tu serais pas perdu si tu ferais juste écouter Casino Royale et tout. Mais en même temps, vaut mieux que tu le vois pareil pour certains. Non, je les ai tous vus, James Bond, à part les deux derniers, Brosnan, qui m'intéressait pas vraiment, mais un jour, j'ai verrou aussi. Mais j'ai tous vu les autres, fait que tu sais, j'étais intéressé quand même de voir ceux-là, je suis curieux. Mais j'ai très hâte de voir Spec, surtout que c'est encore Sam Mendes qui réalise puis il a fait une job incroyable avec Skyfall. Je pense que c'est un des James Bond qui avait été le plus apprécié dans les dernières années. Puis le méchant, c'est Christopher pas Walken, mais Walt. Christopher Walt. Qui jouait le méchant dans Inglourious Basterds. Puis ce gars-là, il est fait pour jouer des méchants, en fait. Puis j'ai aucun doute. Green Hornet aussi. Ouais. Green Hornet ou Green Hornet? Ouais, Green Hornet. Ouais, c'est Green Hornet avec Seth Rogen qui arrête pas d'essayer de trouver. Une identité de vilain, là, parce que tout le monde le prend pas au sérieux, puis ça, j'avais trouvé ça bien drôle. Bon, ben vu qu'on est dans les films de filles, on a fini avec Spy, je pense. Ouais. Je vais rester dans les films de filles, puis ceux qui aiment pas ça, ben tant pis. Spy, c'est pas un film de filles, c'est un film pour tout le monde. Pour tout le monde, ben oui, c'est ça. Ben l'autre aussi, dans le fond, c'est un film pour tout le monde, c'est juste qu'il faut avoir un cœur d'enfant et de fillette. Mais non, mais... Tu veux être rire. Cinderella. Ah, le cendrillon de Kenneth Branagh. Si j'avais un enfant, et j'espère bien un jour en avoir, que ce soit un garçon ou une fille, si j'avais un cendrillon à y faire voir, ce serait ce film-là. Ça ou la version animée de Walt Disney, mais tu sais, dans les deux cas, il y en a tous les éléments, on a tout ce qui fait le récit est là-dedans. Dans le fond, c'est une transposition quasiment du film de Walt Disney en vraie personne. C'est avec Lily James qui était dans. Ceux qui l'ont vu dans Downton Abbey, moi je suis la série, fait que elle là-dedans, elle faisait Lady Rose. C'est avec. Là, ça fait quelques temps que je l'ai vu, mais c'est Kate Blanchett qui fait la méchante là-dedans. T'as qui d'autre? T'as un vieil acteur anglais qui s'appelle Derek Jacobi qui ne dira peut-être pas grand-chose à personne, mais c'est un acteur qui a joué dans plusieurs films de Kenneth Branagh. Puis c'est ça, t'as plusieurs bons acteurs là-dedans. T'as aussi celle qui fait l'agent Carter dans la série de Marvel. Elle a fait la mère de Cendrillon, mais elle va, spoiler, elle va décéder dans les 10-15 dernières premières minutes du film. Ailey Atfield, je pense son nom. Atwell. Anyway, c'est un excellent film dans ce genre-là. Je trouve que c'est vraiment la meilleure adaptation de Cendrillon que j'ai vue de toute ma vie. Ça m'a passionné du début jusqu'à la fin. Les effets spéciaux sont en CGI, mais ça ne m'a pas dérangé parce que je trouvais que ça fitait avec le ton du film. La transformation de la citrouille en carrosse, des animaux, tout ça. De toute façon, je ne vois pas comment il aurait pu faire ça sans effet CGI, honnêtement. Non, c'est ça. Il n'était pas capable de faire des transformations à la Loup-garou de Londres non plus. Là. Tout le monde est en train de souffrir. Non, mais c'est ça, c'est bien fait, puis c'est super beau, c'est romantique. Tous les acteurs sont beaux, beaux et belles. Je veux dire, tout le monde est parfait là-dedans. C'est sûr que c'est un film de Walt Disney. Là, c'est un conte de fées, c'est supposé faire rêver en tant que tel. Puis ça marche, je trouve. Je l'écoutais avec ma blonde qui a participé justement à notre épisode du Bras de fer où on avait parlé d'Amélie Poulain, puis de... Cinderella Story, parce que ma blonde, elle disait que c'était une grosse fan de Cendrillon depuis qu'elle était jeune. Évidemment, il fallait qu'on l'écoute ensemble, puis mm-hmm. elle a trippé, là, tu sais, elle a vraiment trippé. Puis on a au centre Eaton à Toronto, on a le magasin Disney, puis il y a toutes sortes d'affaires maintenant. Il y a des robes, des poupées à l'effigie de l'actrice de Cendrillon, puis de cette version-là en particulier, puis c'est plein de belles affaires. On était là, on se promenait, puis on regardait ça, c'était vraiment cute, là. Puis, non, c'est ça, je conseille le film, c'est sûr que c'est peut-être pas votre tasse de thé si vous aimez plus les films d'action, les films d'horreur, des trucs comme ça. Vous allez trouver ça peut-être trop girly, mais si vous avez une certaine tolérance pour ça, sérieusement, écoutez-le, c'est pas un film qui va changer votre vie non plus, c'est pas un film qui a beaucoup de choses à dire ou qui, du point de vue technique, qui va révolutionner des affaires, mais ça reste que c'est un très très beau film. Écoutez-le, je pense pas que ça ait la prétention de vouloir ça. Ben non, c'est ça, justement, ça de même, mais tu sais, c'est ça. Prenez vos enfants, puis écoutez ça, que ce soit des garçons ou des filles, peu importe, là, c'est une belle histoire, c'est l'histoire de Cendrillon, puis c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu du fun, puis... ça doit faire du bien en même temps, Walt Disney. Tu sais, dernièrement, ils ont eu des adaptations et des films qui volaient vraiment pas haut. Puis, tu sais, je pense entre autres à Into the Wood qui s'est fait bombarder par les critiques. Puis, j'ai pas vu, mais tu sais, même ma copine ou sa sœur n'a pas aimé alors qu'elle n'est pas si difficile que ça avec les trucs de Walt Disney et qu'elle avait trouvé ça vraiment ordinaire. Moi, j'ai pas détesté Into the Woods, mais Cendrillon, c'est vraiment plusieurs coches au-dessus. Là. OK. The Woods, c'était trop long, il y avait trop de personnages. Mais en même temps, je ne connaissais pas la comédie musicale originale. C'était une adaptation d'une vieille comédie musicale des années 80. Puis je ne l'avais jamais écouté. Effectivement, il faut que tu t'habitues aux chansons, tout ça. Puis, Cendrillon, en tout cas, c'est pas chanté. Là, c'est pas, ceux qui n'aiment pas les comédies musicales, ça n'en est pas une. Puis non, c'est juste. C'est moins long aussi. Là. C'est Kenneth Branagh qui réalise, puis moi, je fais tout le temps confiance à Kenneth Branagh. Il réalise tout le temps des bons films. C'est un bon acteur. C'est dommage qu'on ne le voyait plus tellement. La dernière fois que je l'ai vu, c'est dans Harry Potter, je pense. Mais c'est ça. C'est un gars à qui je fais confiance. Là, puis, c'est un peu comme Jon Favreau qui joue dans les films, puis qui réalise, puis qui s'occupe de l'adaptation du livre de la jungle. Puis j'y fais quand même confiance, parce que je l'aime beaucoup, Jon Favreau. C'est vrai qu'ils ont une carrière pas mal pareille, parce qu'ils ont commencé tous les deux devant la caméra quand ils étaient jeunes, puis on les voit de moins en moins. Ils sont plus derrière, ouais. Moi, j'attends encore une adaptation d'Aladdin. J'aimerais bien ça un jour, et non seulement en France qui va sortir dans pas long, parce que ça a l'air pas bon. Il a fallu qu'il fasse ça du vivant de Robin Williams, qu'il puisse reprendre son rôle du génie. Ah, ça aurait été formidable, honnêtement, mais là, un petit peu trop tard. Sinon, qui d'autre qui pourrait faire le génie? Tu sais, quand Jim Carrey était jeune, il aurait peut-être pu aussi, là, avec ses crimes. Bud Spencer. Il était un petit peu vieux. Ouais, mais pas grave. Le génie serait en CGI, sûrement. Ouais, mais je pense pas nécessairement à quelqu'un de gros, tu sais, je pense à quelqu'un de... Ok, tu penses que j'ai choisi Bud Spencer parce qu'il est gros? Non, j'ai pris Bud Spencer parce qu'il joue dans la version canon de Aladdin. Ah, d'accord. Puis il joue le génie là-dedans, c'est pour ça. C'est vrai, tu m'as pas déjà montré la pochette de ça. Oui, je l'ai acheté depuis un moment, mais j'ai pas eu la chance encore d'écouter. Mais je me dis un jour, on va faire un épisode. T'as un film de Bud Spencer parce qu'il joue le génie, puis t'as pas écouté ça. je vais trouver le temps. Bon, quoi, je l'avais acheté de Théodore Rex, puis je l'ai jamais écouté non plus. Fait que, des films comme ça qui devraient être des musts, là, si on les a pris. Ouais, mais c'est parce qu'on garde tout ça pour un épisode. Parce qu'on se dit qu'ensuite, un coup qu'on va l'avoir écouté, probablement qu'on va jamais vouloir le revoir. Oui, c'est encore moins pour un épisode. C'est comme mon DVD de Swamp Country. Hein. Je pense pas que tu vas le revoir un jour. En plus que c'était ma deuxième fois quand on l'a écouté. T'sais. Ouais, des fois, t'es maso, toi. Il y a des films que tu réécoutes 2-3 fois pour l'épisode. Je suis comme, mais pas comment t'as fait? Pourquoi, JF? Parce que j'ai pas de mémoire. Non, parce que je veux sortir des trivia des fois ou des trucs comme ça. Mais c'est ça, j'ai fait le tour pour Cendrillon. Moi, sérieusement, c'est conseillé. Je vais sûrement le voir aussi parce que ma copine veut vraiment le voir. Fait que, d'habitude, on écoute les films ensemble. Good. Moi, j'ai finalement vu parce que je me disais qu'il fallait que je le voie un jour ou l'autre. Avenger 2, Age of Ultron. Ouais. C'est drôle, dans mon entourage, j'ai entendu pratiquement que de la merde. Quand j'ai mis la photo, tous les commentaires que j'ai eus, c'est vraiment juste du négatif des gens de mon contact. Mais tu sais, il est quand même bien coté sur IMDb, il est bien coté sur Rotten Tomatoes. Fait que je me disais, c'est peut-être juste les gens dans mon entourage qui juste plus dans le mood des films de Marvel. Puis je faisais partie de ceux qui ont dit du négatif. Oui, effectivement. Non, mais les autres ont vraiment été encore plus bâcheux que toi, je trouve. Mais En fait, avant de voir ce Avenger-là, j'avais vu évidemment Captain America Winter Soldier et la télésérie Daredevil, qui est la meilleure chose que Marvel a pu être faite en adaptation. Et la saison 2 s'en vient, mon Dieu, que j'ai hâte. Et en même temps, je me disais, comment ils pourraient arriver à faire de quoi d'encore meilleur, surtout avec Avenger, parce que, tu sais, Avenger, le premier, quand il est sorti, ce qui faisait sa force, c'est l'effet de surprise. Plein de super-héros ensemble, on n'avait jamais vu ça, fait que c'est comme, c'est excitant. L'effet n'est plus vraiment là, tu sais, on est habitué de voir Hulk, puis tous ces personnages-là, ils en ont tellement fait des films avec des apparitions, des caméos, plus le premier Avenger, tu sais, on a fait le tour, on est rendu habitué. Fait que moi, j'étais pas super excité de cette suite-là. Quand j'ai vu les premiers trailers, ça me tentait plus ou moins, tandis que la plupart du monde trippait, puis c'était comme orgasme. Puis Joss Whedon l'avait dit qu'il voulait faire un film beaucoup plus sérieux, dark, quelque chose à la Dark Knight, si on veut, en tant que tel. Fait que... qu'est-ce que j'ai pensé d'Avenger et de Age of Ultron? Je vais être bien honnête, là. J'ai pas envie juste de rejoindre un troupeau, parce que tout le monde a dit. J'ai pas haï ça au point que... le monde dans ma liste ont vraiment été sûrs parlant comme étant de la pire chose qu'il y a eu quasiment cette année ou de la pire chose que Marvel a produite, parce que Elektra puis il y a d'autres films comme ça qui sont vraiment pires que Age of Ultron pour ma part. Mais c'est loin d'être un excellent Marvel aussi, parce que l'effet que ça m'a fait l'effet d'une grosse coquille qui fait beaucoup de bruit, mais qui est crissement vide à l'intérieur. C'est ça qui est plate, parce que dès la scène d'introduction qui tente d'être spectaculaire, un gros 20 minutes d'action non-stop, la photographie est très grise, le ton est très froid. Tu vois tout de suite que Whedon essaie vraiment de faire un film beaucoup plus sérieux, mais ça marche pas. Moi, je trouvais ça plus déprimant. Puis la scène d'intro, je pense, c'est vraiment la scène d'action la moins réussie du film, ce qui fait que c'est pas encourageant. T'es comme, si tout le film est comme ça, ça risque vraiment d'être de bas étage. Puis j'ai trouvé qu'il y avait quand même des scènes d'action sympathiques qui étaient beaucoup mieux que ça, mais la scène d'intro, je la trouve particulièrement ratée, selon moi. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment déplu, je crois, dans cet Avenger-là, c'est que les personnages ont plus la chimie qu'il y avait dans le premier Avenger. Il y a une chimie, quelque chose qui fonctionnait avec le groupe qui était le fun, qui est plus là. Tout le monde a l'air en chicane, tout le monde est dans sa bulle, tout le monde a ses problèmes. Je sais que ça fait partie de l'intrigue avec les jumeaux, la fille qui est capable de faire revenir à la surface leurs problèmes. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est tellement survolé, c'est pas vraiment développé, qu'au bout du compte, ça fait juste nuire au film, puis c'est à peu près ça qui arrive tout le long du scénario. C'est le gros point faible du film. Il y a trop d'intrigues, trop de choses qui sont... Il y a trop de monde, il y a trop d'intrigues qui sont sous-développées, qui sont des fois pas intéressantes. Et le méchant, tout le mystère autour de ça, finalement, pour que ça soit juste un plan pour détruire le monde comme n'importe quel autre film de super-héros qu'on a vu, c'est comme... OK, tout ce niaisage-là pour finalement savoir ton plan qui est compliqué pour rien. C'est comme vraiment, là, tu veux faire sortir une ville de la Terre pour finalement la faire écraser comme une comète. C'est comme vraiment compliqué pour rien. Au lieu de prendre ton armée de robots pour aller tuer tout le monde, c'est vraiment compliqué pour rien. Fait que j'imagine les enfants qui ont été voir ça au cinéma qui ont dû trouver ça un peu long et avoir de la misère. En fait, le seul personnage que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le film, c'est lui que je trouvais le moins intéressant dans le premier film, ce qui est assez drôle, c'est celui de Jeremy Renner, qui joue l'archer. C'est lui qui était transparent dans le premier film, parce que tu sais, c'est un gars ordinaire avec un arc à flèche, le monde veut l'Iron Man, tout ça. Mais je trouve que pendant un bon bout du premier film, il est blessé aussi. Il est blessé aussi, tandis que dans celui-là, il est quand même bien présent, mais c'est aussi, je trouve, le seul qui a encore du cœur, qui apporte un côté plus humain aux Avengers. Tu sais, tu vois un peu sa relation avec sa femme, qui a des enfants. Puis... il y a eu plein de critiques de ça, de la vie sur la ferme, ou la vie dans sa maison de campagne. Tu sais. Puis moi, c'est con, mais en voyant le film qui m'emmerdait parce qu'il y avait trop de personnages, c'est ces scènes-là que j'ai quasiment préférées parce que c'était plus calme. Puis c'est comme tu dis, il y avait plus de cœur dans ces scènes-là que dans tout le reste, quasiment. Non, tu sais. Ben non, c'est ça, j'ai vraiment plus... C'est les scènes qui m'ont laissé moins indifférent face au reste, que c'est vraiment comme... J'attends que vous tapez sa gueule, puis c'est tout là. Tu sais, je veux dire. Puis même les jokes tombent vraiment à plat. Au début, t'as des jokes parce qu'il y en a un qui sac, fait que l'autre est comme ah, attention ton langage. Puis ça marche pas, ça semble forcé, ça coûte vraiment pas douce. Puis, crime, on parle de Joss Whedon. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui l'haïssent. Mais tu sais, Joss Whedon, il a tout le temps été réputé pour créer des dialogues savoureux, puis un sens des personnages, de les faire aimer, puis d'avoir justement des dialogues intéressants, puis un humour crunchy qui fait plaisir, qui est vraiment le fun. Puis là, on dirait qu'il... Je sais pas s'il était en mode « je m'en calisse » ou si j'ai pas le choix de faire « Avenger 2 » parce que ça a été un gros hit, là. Mais je le sens vraiment pas impliqué vraiment dans le projet, contrairement au premier. Puis ça, non, je pense que il s'est perdu à travers tout ça. Puis c'est pour ça qu'il a arrêté aussi par après, puis qu'il reviendra pas, je pense. Ben, c'est une bonne idée, parce qu'il est en train de... le Honest Trailer qu'il avait eu sur... Avenger était vraiment en train de dire que le monde était en train de détruire Whedon, puis c'est vrai, là, c'était vraiment ça qui arrivait. Mais c'est ça, moi, le personnage de Ultron, le méchant, je l'ai quand même pas haï dans le sens où je trouvais des fois que ses interventions étaient comiques, son ton était comique. C'est James Spader qui joue qui fait la voix, puis cet acteur-là est excellent. Puis je trouvais qu'il y avait une sorte de manière bouffonne un peu de se moquer du monde, d'interagir avec le monde. Tout le temps calme, il y a tout le temps un ton très calme, très zen. Mais en même temps, je trouve que c'est ce qui fait un peu la faiblesse, parce que à aucun moment j'ai ressenti que Ultron était une grosse menace. À aucun moment je sentais le monde en danger. C'est ça qui est plate, parce que c'est supposé être un big méchant. Tu sais, je veux dire, ils ont fait tous les autres films séparés, Thor, tout ça, pour que ça l'accumule jusqu'à Age of Ultron. Tu sais, c'est comme le film principal qui était supposé être comme le gros événement. Puis Ultron, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un méchant très bas de gamme. Non, je sais, le meilleur méchant, ça reste Loki, là, de toutes les Avengers. C'est ça, Loki, là, facilement meilleur. Puis ça aussi, c'est un autre point que j'ai trouvé décevant. Mais, tu sais, je suis là à dire plein de mauvaises choses, mais j'avoue que, tu sais, t'écoutes ça, pareil, une fois avec tes enfants, tu sais, je veux dire, en 2 heures, je me suis pas trop emmerdé non plus. Il y a quand même quelques scènes d'action, le fun. J'ai beaucoup aimé la scène entre Iron Man et Hulk qui se bataillent dans la ville. Je trouve que c'est une des scènes qui était la plus divertissante du film, puis où l'humour marchait un peu plus. Notamment lorsqu'avec son bras, Iron Man, il n'arrête pas de donner des coups automatiques sur le visage de Hulk. Puis tout ce que Robert Downey Jr. n'arrête pas de dire, c'est comme « adore-toi, adore-toi, adore-toi, adore-toi ». Il y a des petits trucs de même qui fonctionnaient, mais... T'sais, en plus, moi, ce qui me verrait, c'est que le monde qui a le plus bâché cet Avenger-là, c'est dit « Ah, c'est juste du CGI, c'est juste une invasion de CGI. » C'est comme, c'est pas nouveau. Les films de Marvel, c'est rempli de CGI. Le premier Avenger, c'était ça, pareil. Fait que je veux dire, c'est quoi? Tu t'attendais-tu à avoir un deuxième Avenger puis que ça soit pas ça? C'est des blockbusters à 250 millions de dollars. C'est sûr qu'on va avoir du CGI à profusion. Là. Moi, c'est pas ce qui me gêne. Ce qui m'a gêné, c'est juste que c'est un film bas de gamme qui n'est pas à la hauteur de Captain America, Winter Soldier, puis encore moins de la série Daredevil. Puis je trouve ça dommage, parce que la Marvel était sur une bonne lancée. Puis là, avec ce film-là, je trouve qu'ils ont descendu un peu la pente, parce qu'ils nous ont offert un film maladroit, puis vraiment, comment je pourrais dire, paresseux. C'est très paresseux, puis mal écrit. Puis c'est ça qui m'a dérangé. Mais c'est pas le pire Marvel que j'ai vu de ma vie, mais c'est pas le meilleur. Ça m'a juste laissé indifférent un peu comme film. Ben moi, c'est vite consommé et vite oublié. Là, exactement, c'est juste ça. C'est quasiment une perte de temps. C'est comme parce que tu t'en... Parce que ça dure longtemps, c'est ça, la t'en retiens rien. T'en retiens rien. T'sais, comme Spike, je dis, moi, 4-5 mois après, je me rappelle de plein de scènes. T'sais, Avengers, je m'en rappelle déjà presque plus. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai vu. Puis je m'en rappelle. Parce que Avengers, tu sors du film, tu arrives au générique, puis il n'y a pas une scène qui te reste en tête. Tu te dis c'était mémorable ou... C'est un paquet d'images qui bougent devant tes yeux, puis ils font plus ou moins de sens. Tu écoutes un peu l'histoire, puis tu fais « je m'en calisse », puis c'est ça. Puis à la fin, tu sors de là, tu fais bah, « OK, c'était pas plate, mais c'était pas super le fun non plus. » Non, exactement. C'est pas ce que ça aurait dû être. T'sais. Puis ça, c'est le premier film de la série, parce que si on peut appeler ça une série, qui fait comme pas vraiment me donner le goût de voir les autres. Tandis qu'à chaque fois, j'avais tout le temps hâte de voir les autres. Là, je suis comme... Je vais peut-être continuer, mais à un moment donné, je commence à en avoir plein de casse aussi. Là, de... Ben là, le prochain que j'ai vraiment hâte, c'est le prochain Captain America, parce que c'est réalisé par les mêmes gars qui ont fait Winter Soldier, puis j'ai encore confiance, mais honnêtement, je trippe pas tant que ça, les films de Marvel. Je prends vraiment ça comme des divertissements sans plus, à part, comme je dis, des exceptions. Des fois, il y a Winter Soldier, que c'est vraiment un film d'action. En fait, j'ai même pas trouvé forcément que c'était un film de super-héros. Je trouvais que c'était un film d'espionnage au scénario un peu plus complexe que d'habitude. Ben, c'était basé un peu sur les films d'espionnage et sur les aussi. T'sais. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis les scènes d'action faisaient très film années 90 avec des fusillades de terroristes puis des explosions, puis pas trop de CGI. J'ai vraiment aimé ça. Ils choisissaient bien les réalisateurs dans la première. dans la première série, si on peut appeler ça, c'est la phase 1, parce que la phase 1, ouais. Captain America, c'était Joe Johnston qui avait fait Rocketeer, qui a fait... J'apparais aussi, hein, quand tu le vois. Ouais, mais c'est ça, c'est un gars qui connaît super bien les années 40, qui est capable de reproduire cette époque-là de manière cartoon un peu, puis il était vraiment bon là-dedans. Le premier Thor, c'est Kenneth Branagh, que je parlais tantôt pour Cinderella, qui a fait sa carrière en faisant des films shakespeariens. Fait que Thor, t'as pas plus shakespearien que ça, cette histoire-là, l'histoire avec Odin puis Loki, mm-hmm. puis tout ça. Mais c'est ça, là, je sais pas, avec Joss Whedon, ils l'ont brisé, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont... T'sais, John Favreau, il fait plus vraiment d'Iron Man non plus, je pense. Fait que... Non, à cause du 2, parce que ça a été... Ouais. Ça a vraiment planté. Mais tu sais, à un moment donné, je crois que... C'est pas parce qu'un réalisateur fait un premier volet qui est vraiment de bonne qualité qu'il doit forcément faire des suites. Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est forcé à ces réalisateurs-là. Parce que ouais. les studios sont comme « Hey, tu nous as pondu un film qui a rapporté tellement gros. On veut que tu fasses absolument la suite. » Puis, tu sais, j'ai l'impression que Joss Whedon veut pas. Ça a été un gros moment de stress pour lui de faire ce film-là. Parce que la pire chose que tu peux avoir, je pense, sur Terre quand t'es réalisateur, c'est de faire un film de comic book, de BD, de Marvel, tout ça. Alors que les fans de ça, c'est les pires critiqueurs que tu peux avoir sur Terre. Ils vont te démolir de A à Z si tu fais pas correctement ce qu'ils veulent, eux. Puis c'est une chose difficile. Puis je pense que Joss Whedon l'a vraiment vécu d'aplomb avec ça. Là. Ouais. Mais okay. Sinon, JF, laisse-toi pas décourager parce que écoute la série de Daredevil. La deuxième saison s'en vient. J'ai juste vu un mini trailer avec le Punisher et Elektra qui vont être intégrés, mais c'est tellement bon. Allez, JF, écoute là. C'est tellement fun qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Moi, j'ai Agent Carter, toi, t'as Daredevil. Je vais l'écouter, Agent Carter. Elle m'intéresse beaucoup, la série. Mais la saison 2 va s'en venir, puis moi, je vais triper sur Agent Carter. Parce que c'est le fun parce que ça. T'sais, je sais qu'avec Agents of S.H.I.E.L.D., ils font des crossovers des fois avec les films. T'sais, ils font des personnages des films qui vont arriver dans Agents of S.H.I.E.L.D. parce que ça se passe en même temps. Tandis qu'Agent Carter, ça se passe dans le passé. Captain America, il est encore dans la glace. Fait que, t'sais, je veux dire, il ne peut plus arriver quoi que ce soit. Fait que l'histoire, elle s'en va, peu importe où ça va s'en aller, c'est dans le passé, ça se passe dans les années 40. T'sais, moi, j'aime ça. J'aime le côté rétro, puis j'aime les... c'est tellement le fun, les dialogues qui sont... Ouais. En tout cas... Mais oui, je vais regarder Daredevil. L'autre fois, j'étais sur un site, j'ai oublié de partager ça sur la page du bras de fer, mais j'étais sur un site qui était, dans le fond, en gros, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il te faisait calculer le temps que tu passes, il prévoyait le temps que tu vas écouter des séries, mettons, pour une saison. En gros, il te liste toutes les séries américaines qui vont passer, mettons, à l'automne, de toutes les chaînes, que ce soit du câble, ou bien les grosses chaînes comme CBS, ABC, tout ça, ou bien même Netflix, ils vont t'sais, pour chaque chaîne, il va te nommer tous les nouveaux shows de l'automne. Mm-hmm. Là, tu les coches toutes, ceux que tu écoutes. Puis à la fin, il te dit le nombre d'heures que tu vas passer devant la TV si tu écoutes tout ça. Là, si tu écoutes tous les épisodes de toutes ces séries-là. Puis moi, j'avais tout coché, celles que j'allais écouter. Puis ça donnait 89 heures dans mon automne. 89 heures. Mais ça compte même pas en plus le fait que je réécoute X-Files, que je réécoute Full House, que je réécoute d'autres. Bewitched, que j'ai pas encore fini dans la sorcière bien aimée, là, j'ai de la misère au bout. La patte, là. Parce que la dernière saison avec Chris Mandel. Mais non, c'est ça. J'ai fait ça, puis j'étais comme, ah, 90 heures de TV. Ouch! Et plus. Mais c'est ça, c'est ma vie. J'ai pas de vie. Mais non. Fait que, pour continuer avec un autre deuxième film dans une série qui est... un deuxième film qui n'est pas à la hauteur du premier. Je vais continuer. Je pense que j'en ai pas parlé au bras de fer ou nulle part ailleurs. Je pense que c'est Pitch Perfect 2. Non, tu n'en avais pas parlé. J'ai bien aimé le premier, même beaucoup aimé le premier, que j'ai vu jusqu'à date maintenant, je pense, 3 fois. J'ai tout le temps du fun d'avoir le premier, même s'il y a des petites longueurs. Le deuxième, j'avais vu des critiques qui n'étaient pas si bonnes que ça. C'est le premier des deux qui est réalisé par Elizabeth Banks. Elle a produit les deux premiers films. Elle a produit le premier film puis celui-là, mais elle n'a pas réalisé le premier. Mais elle s'est essayée pour le deux, puis c'est pas une réalisatrice. C'est sa première réalisation. T'sais, c'est pas un gâchis, c'est juste qu'elle ne fait rien de spécial vraiment. C'est ça, c'est pas un film qui marche très très bien. Je trouve l'humour, l'écriture, ça vient surtout de l'écriture parce que l'humour est pas aussi présent, pas aussi le fun que dans le premier film. Les personnages ont l'air. Il y en a qui ont l'air à s'en crisser d'être là. C'est surtout Anna Kendrick, qui est notre personnage principal. Elle n'a pas l'air de vouloir d'être là, l'actrice. Puis le personnage est vraiment plus plate que dans le premier film. Puis tu sais, il y a des personnages comme... Il y a un gars dans le premier film, je pense que c'est Booster, son nom de personnage. Je me souviens bien, c'est un gars qui est super imbu de lui-même, puis qui va... Dans le premier film, il va quitter son groupe a cappella pour aller faire une tournée avec un chanteur connu. Puis, ben, il revient dans le deuxième, puis ce personnage-là, je le comprends pas d'un point de vue... on dirait qu'il n'y a pas d'émotion, on dirait qu'il n'est pas capable de rien ressentir. Puis là, il va se mettre à sortir avec Fat Amy, qui est encore probablement le personnage le plus drôle des deux films, tu sais. Puis, c'est pas leur... Ils sont pas capables de communiquer les émotions comme des êtres humains normaux. Fait que, tu sais, ça fait des scènes vraiment bizarres. C'est des scènes où tu grattes la tête, tu fais... c'est supposé être drôle ou c'est supposé être cute, c'est ni l'un ni l'autre, ça c'est marche pas vraiment. C'est machinal. Tu sais, Fat Amy est drôle, mais c'est pas non plus... je sais pas, ça marche puis ça marche pas en même temps. Là, c'est un bizarre de film, Pitch Perfect 2. C'est ça, ça déplaira pas nécessairement à ceux qui ont aimé le premier, mais c'est pas non plus de la qualité du premier. Fait que commencez pas la série en regardant le deuxième. Là, c'est sûr que vous n'allez pas aimer ça. Allez voir le premier. Le premier, c'est une valeur sûre, mais le deuxième, non, vraiment pas. Puis je pense que même si vous avez aimé le premier, vous pouvez même skipper le deuxième, puis en rester au premier, ce serait bien correct. Moi, le deuxième, il m'est sorti de la tête. Parce que j'ai la misère à en parler parce que c'est pas comme Spy, c'est pas comme d'autres affaires. Tu sais, ça m'a sorti de l'esprit parce que c'est vraiment pas mémorable du tout. Puis les chansons. C'était forcé parce que le premier était un succès. Là. Ouais. Les chansons sont dolles, puis tout. Mais je suis en train de penser, il y a un élément que j'ai bien aimé dans le film, c'est une actrice. Si vous avez vu le True Grit des frères Coen, c'est celle qui fait la jeune fille, je pense que c'est elle, tantôt je me suis trompé avec Hayley Atwell. Hayley Atwell, je crois que c'est elle, Hayley Atwell. En tout cas, maintenant, elle est rendue à 16-17 ans, je pense, l'actrice, puis elle joue là-dedans une nouvelle recrue pour le groupe a cappella, puis elle est vraiment drôle. Elle, tu vois que cette actrice-là, elle veut, là, tu sais, elle donne tout son 200% dans son personnage, puis elle est comique, là, elle est vraiment, vraiment drôle. Sa scène d'audition au début du film, elle est mourante, puis tu vois qu'elle n'est pas dans le bon film, c'est dommage, parce qu'elle aurait voulu... Tu vois qu'elle joue comme si elle était dans un vraiment meilleur film que ça, tu sais, le scénario n'est pas du tout à la hauteur de son jeu, puis c'est dommage, parce qu'elle est super talentueuse, puis j'espère qu'elle va aller loin, tu sais. Déjà dans True Grit, elle était merveilleuse. C'était son premier rôle, je pense, puis elle était nominée aux Oscars, je pense. Là, peut-être que je me trompe. Oui. Non, mais ça. Elle est vraiment, vraiment bonne. Puis son registre est assez large. Elle est capable de jouer la comédie, le drame, tout ça. Puis que... Sérieusement, c'est la seule bonne chose dans Pitch Perfect 2, c'est de voir cette actrice-là jouer ce personnage-là. Sinon, c'est très oubliable. Fait que voilà. Dommage. Oui. Moi, cette semaine, j'ai finalement vu Cop Car avec Kevin Bacon. J'étais vraiment intrigué de voir ce film-là parce que j'étais déçu de l'avoir manqué au Fantasia vu que Kevin Bacon était présent et c'était peut-être ma seule chance dans ma vie de rencontrer Kevin Bacon. Ah, c'est triste. Deuxième film du réalisateur, je l'ai remarqué seulement par la suite, mais son premier film, c'est Clone, qui était produit par Eli Roth, qui n'est même pas encore disponible ici, malheureusement. Mais j'ai entendu quand même des bonnes choses sur ce film-là. En fait, Cop Car, l'histoire est super simple. C'est vraiment quelque chose de pas très complexe. On va juste suivre deux jeunes enfants qui sont en fugue puis qui s'amusent à se promener puis à s'amuser tous les deux. Puis sur leur route, ils vont trouver une voiture de police inhabitée, si on peut dire, qu'il n'y a personne proche, qui semble avoir été abandonnée proche d'un petit ruisseau. Fait qu'ils vont s'amuser un peu avec la voiture et ils vont finir par trouver des clés. Fait que leur idée, c'est comme... On va utiliser la voiture de police, c'est rendu notre voiture, puis on va aller juste niaiser avec. Fait qu'ils vont juste s'enfuir avec la voiture. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que la voiture appartient à Kevin Bacon. Il est en train de faire des choses pas très catholiques dans le coin. Et dans la voiture, il renferme des preuves qui pourraient le mettre dans un sérieux pétrin. Et tout le long du film, dans le fond, ça va être un peu un genre de jeu de chat et de souris que Kevin Bacon veut absolument retrouver sa voiture de police. Mais les enfants sont jamais vraiment conscients de la situation, ce qui est assez drôle. Petit film très spécial parce que le speech est vraiment simple. Ça n'essaie jamais d'aller plus loin que ça. Pensez jamais que le film va vous arriver avec une grosse révélation, même la grosse finale. Il n'y a aucun coup d'éclat, de feu d'artifice, rien de ça. C'est un petit film super, avec sa prémisse super simple qui tente juste d'avoir une atmosphère vraiment spéciale et qui rappelle, moi qui m'a beaucoup rappelé les films de Amblin, où on avait deux jeunes en vedette qui sont cool, puis que, tu sais, il me semble que j'aurais écouté ce film-là quand j'étais jeune, puis à me mettre à leur place, puis à me dire, ah oui, ce serait cool de trouver un char de police, s'en aller avec, jouer avec les sirènes, puis rouler full vite, puis... Ce feeling-là, je trouve que le réalisateur l'a bien retranscrit, puis tu ressens que c'est un fan un peu de ce genre de cinéma-là. Puis c'est drôle parce que Marc-Antoine Lamonté d'Horreur Web, il en avait parlé qu'il y avait eu une nouvelle vague de ça, des réalisateurs fans de ce cinéma-là qui tentaient de recréer ça. On avait eu ça avec Super 8 de J.J. Abrams, puis le dernier film du réalisateur de Take Shelter qui est Mud avec Matthew McConaughey, que j'ai pas encore vu, mais qui est apparemment dans le même ton que Cop Car. J'ai vu beaucoup de monde le comparer. Fait que c'est un film qui est semi-drôle, et quand c'est le temps de revenir sur l'intrigue plus sérieuse, ça fait beaucoup penser au cinéma des frères Coen. La violence est quand même assez sanglante, c'est cru et froid, et c'est vraiment bizarre parce que le mélange entre le ton semi-comédie du film plus le ton semi-violent, ça fait un mélange vraiment étrange que par moment, on est un peu déstabilisé de voir les scènes qui peuvent arriver avec les enfants qui sont loin d'être facile à regarder. Parce que je pense que dans le film, il y a une des conversations les plus crues que j'ai vues depuis longtemps dans le cinéma envers des enfants. Il y a un personnage du film qui fait un long monologue aux deux jeunes, puis c'est atroce tout ce qu'il leur dit. Je revenais pas, j'étais comme, c'est être un enfant, j'en ferais des cauchemars pendant des mois. Mais sinon, la réalisation du jeune John Watts est écœurante. C'est un film qui mise beaucoup sur son visuel. Il y a peu de dialogues. Il y a quelques dialogues dans le film, mais globalement, ça mise vraiment sur les regards, les images. Tu as des beaux décors aussi que ça a été tourné. Je me rappelle plus exactement, mais c'est très désertique. Puis le réalisateur s'amuse beaucoup à jouer avec les décors. Puis c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. C'est pour ça que ça rappelle beaucoup le cinéma des Coen, parce que tu as des scènes où que tu vas avoir un long build-up avant qu'arrive une action. Puis le build-up est vraiment long, mais c'est juste que le réalisateur met en place tout ça de manière lente, sans dialogue. Encore une fois, ça mise seulement sur sa bande-son puis sa réalisation, puis ça fonctionne super bien. Le gars est vraiment talentueux. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Un petit point qui m'a un petit peu dérangé, les acteurs sont vraiment bons. Les deux jeunes, j'ai rien à redire, sont vraiment écœurants. Mais leur agissement, par moment, je trouve qu'il est un petit peu trop stupide, notamment dans deux scènes. Tu sais, les jeunes sont âgés de 10 ans. Tu sais, je peux comprendre, ce sont des enfants qui agissent de manière enfantin. Mais à un moment donné, dans la voiture, ils trouvent des armes à feu, puis ils s'amusent à niaiser avec, évidemment. Et ils veulent la tester. Fait qu'il y a un des jeunes qui va mettre un gilet pare-balles pendant que l'autre, il dit « Bon, bouge pas, je vais tester le gun. » Puis en voulant tirer sur toi, en essayant de tirer, le gun ne fonctionne pas. Fait qu'il prend le gun à l'envers, puis il met le bout du gun vers son visage, puis il essaie de tirer en même temps. Il est comme « Mais je comprends pas, la balle, elle sort pas. » C'est comme... Il me semble qu'à 10 ans, même moi, ou les jeunes de nos jours ont suffisamment une conscience puis une logique de pas mettre un revolver vers ton visage. Fait que ces scènes-là, j'étais comme... Je trouvais que c'était un petit peu... Bon. On est en direct. Mais j'ai plus de son. 1, 2, 1, 2, 3, 4, non. Ah, là, ça marche. Ah, OK, je t'entends. OK. Tu m'entendais plus aussi? Non, fait que j'étais juste concentré sur toi. Puis là, j'essayais de parler du film, puis je savais même plus où c'est que je m'en allais. Là, Désolé à tout le monde, ça fait des choses qui arrivent. Non, c'est correct. Ouais. Dans la version podcast, ça va être coupé ce bout-là, je pense. Ouais, je pense que oui. Ça va être une bonne idée. Oui. Fait que, merde, qu'est-ce que tu disais en dernier, je pense. Je sais plus, je savais même plus où c'est que je m'en allais, mais... Fuck, désolé. Pour résumer vite, vite, c'est un, trailer, un petit trailer que je recommande fortement, qui a beaucoup de bonnes choses. Là. Ouais, vraiment cool, ça m'intéresse ce film-là. T'avais fini là-dessus? Ouais. Désolé. Final manqué un peu. Ben, je me rappelle même plus ce que j'ai dit que pratiquement sur le film. Je me rappelle l'intro, mais après ça, j'étais comme. Je parlais, puis je te voyais faire des signes, puis je suis comme, non, mais ça marche plus. Là. Désolé. C'est pas grave. OK, ben, en fin de semaine, j'ai décidé de regarder. À un moment donné, je me promenais sur. Ben, tu sais, bon, je vais commencer par le début. J'écoutais. Je l'ai dit, j'étais un fan, je l'ai dit tantôt, de Ma sorcière bien-aimée. Dans Ma sorcière bien-aimée, le premier gars qui fait Darren ou Jean-Pierre en français, c'est Dick York. À un moment donné, j'étais sur Facebook, puis je vois une photo, parce que je pense que j'étais abonné à une page Facebook de fan de Dick York ou peu importe. Puis je voyais une photo de lui avec Jack Lemmon, puis Mickey Rooney, dans un vieux film des années 50. Puis je ne savais pas, c'est des acteurs que j'aime beaucoup, puis je me demandais quel film que c'était, puis j'ai fait des recherches, puis j'ai fini par le trouver, le film. C'est en anglais, c'est Operation Mad Ball, de 1957. Le bal des cinglés, en français. Hmm. Puis, ben c'est ça. L'acteur principal, c'est Jack Lemmon. Puis, c'est l'histoire d'une gang de soldats à la fin, tout de suite après la guerre, je pense que c'est septembre 45, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, sont en Normandie, ils n'ont plus rien à faire vraiment, mais ils sont encore là, ils sont obligés d'être là, mais ils s'emmerdent, la guerre est finie, tout ça. Puis, ben, ils ne peuvent pas sortir avec les femmes qui sont là, les infirmières, qui sont toutes des lieutenants, puis ils ne peuvent pas à cause des règlements stricts de l'armée. Mais Jack Lemmon, qui est un soldat, va essayer, il est un soldat un petit peu ratoureux, va essayer de contourner le règlement, puis d'organiser un bal dans un hôtel pas loin de là, au Havre, puis un hôtel qui est tenu par une femme, une Française, qui n'a pas la langue dans sa poche. Puis, ben c'est ça, il va essayer d'organiser ça, puis en même temps de contrer un peu son supérieur qui est aussi en amour avec la même infirmière que lui, que Jack Lemmon. Puis, ben c'est ça, Dick York qui joue un genre de secrétaire de général qui va l'aider dans ses manigances pour organiser son bal en secret. Puis à un moment donné, ben, il va avoir le personnage de Mickey Rooney qui va rentrer là-dedans, mais qui ne fait pas une grosse apparition, mais que j'ai bien aimé son petit personnage. Sur l'affiche du film, ils disent que ça a été fait sans le concours de l'armée, sans l'aide de l'armée. Puis tu vois que dans tout le long du film, même sans rien connaître de l'armée en tant que telle, tu vois qu'il n'y a absolument rien de réaliste. Là, tout est très loufoque et très, très léger, puis tout ça. Puis peut-être un petit peu trop léger, parce que moi, je l'ai écouté en plein jour, puis ça m'a un petit peu endormi vers le milieu du film. J'étais comme, OK, c'est juste des petites jokes, le fun, des petites jokes cute, mais pas plus que ça. Puis j'aurais préféré un petit peu plus de mordant, un petit peu plus de sérieux là-dedans, là, mais c'était pas ça, c'était juste une petite comédie. Ça a peut-être pas super bien vieilli, c'était juste une petite curiosité pour voir ces acteurs-là. Puis j'étais bien content de voir Dick York dans d'autres choses que Jean-Pierre, puis c'est ça, c'est un bon acteur, là, puis, mais c'est vraiment Jack Lemmon qui se démarque là-dedans. Puis Jack Lemmon, c'est un acteur que j'ai tout le temps aimé. Puis là-dedans, il est très, très bon. Tu vois, dès le départ de sa carrière, je pense que c'est le premier film dans lequel il était en tête d'affiche, que c'était l'acteur principal. Puis il est très, très bon déjà au départ. Là, puis plus tard, on sait qu'il va faire des très bons films aussi. Mais c'est ça, c'est pas un film que je recommanderais nécessairement. Là. C'est à moins que de vouloir absolument voir une petite comédie des années 50, c'est vraiment pas mauvais, là, mais c'est pas non plus à tout casser. Fait que c'était juste ça. OK. Moi, cette semaine, ben, en fait, hier ou avant-hier, j'ai loué sur iTunes à Hard Day, et non pas le film des Beatles. Là. C'est un film coréen et je l'avais vu au Fantasia cet été. Puis ça avait été l'autre film asiatique, celui que j'avais le plus apprécié du festival. Puis j'avais très hâte de le faire écouter en Chantal, fait que j'ai décidé de lui faire écouter au lieu d'écouter quelque chose que j'avais pas forcément vu. Et c'est vraiment un film que j'adore. Puis je vais vous le recommander fortement parce que, comme je dis, il est sur iTunes en ce moment. Et ça vaut vraiment la peine de le louer parce que je crois décidément que les Américains, ça ne prendra pas de temps, qu'ils vont décider d'en faire un remake parce que ça a le potentiel de pouvoir marcher en salle de ce point de vue-là. Fait que d'après moi, ils vont essayer de faire du cash. Et ça raconte l'histoire d'un policier qui est en route durant le soir vers l'enterrement de sa mère. Sa sœur l'attend là-bas justement parce que les préparations sont en train de se placer, puis il ne reste plus grand temps justement avant que des funérailles commencent. Et au moment qu'il va rouler, il va frapper quelqu'un par accident en voiture. Sous la panique, il va décider de cacher le corps dans son coffre parce qu'il a quand même bu beaucoup d'alcool, il est beaucoup attristé à cause de la mort de sa mère, mais ça reste que c'est un policier, fait qu'il, dans sa tête, il dit que sa carrière va être finie, fait qu'il n'a pas le choix d'essayer de trouver un moyen, fait que sur le coup, il agit pas mal sur l'impulsion. Et il va décider d'essayer de cacher le corps dans le cercueil de sa mère avant que celui-ci soit enterré. Et le plus gros de l'intrigue, c'est ça. Je ne veux pas trop aller plus loin parce que c'est un film où que ça part d'une bad luck, puis ça va juste en entraîner une autre, une autre, une autre. C'est juste une branche qui va en attirer plein d'autres. C'est un film qui commence sec dès le début, puis ça lâche pas sur les deux heures que ça dure. C'est un trailer incroyable, c'est rafraîchissant, ça fait vraiment du bien parce que des dernières années, le cinéma coréen est beaucoup concentré sur des films de gangsters assez dark, qui sont vraiment réputés pour être les rois là-dedans. Et A Hard Day, je trouve que c'est un petit vent de fraîcheur qui décide un peu de s'en aller de cette vague-là, puis d'offrir un trailer un peu plus original puis le fun, ou que ça mélange comédie, t'as des scènes vraiment loufoques, le gars il est vraiment pas chanceux, c'est vraiment bad luck par-dessus bad luck, avec un ton d'intrigue un peu plus sérieux par moment, c'est super bien dosé, fait que tu t'amuses, puis en même temps t'es sur le bout de ton siège parce qu'il y a des scènes vraiment incroyables de suspense, les acteurs sont super bons, puis c'est un trailer vraiment efficace, moi je le recommande fortement, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que le film réserve son lot de surprises. Je dirais que les 45 premières minutes, c'est les meilleures. Ensuite, le film finit par suivre une voie un peu plus simple, un coup qu'on finit par connaître toutes les choses. Mais n'empêche que le restant reste super intriguant puis le fun à suivre. Puis la finale est vraiment cool également. Mais sinon, les 45 premières minutes, pour moi, c'est top-notch. Là. C'est ce que j'ai vu de mieux en termes de trailer cette année. Là. C'est super efficace puis le fun. Puis je le recommande fortement. Vous n'êtes pas obligé. Je sais qu'il y en a qui ont de la misère des fois avec les sous-titres, ces choses-là, mais c'est le genre de film que je trouve que ça passe bien, puis que le monde qui ne sont pas habitués au cinéma asiatique pourrait facilement prendre plaisir à l'écouter. C'est quand même structuré d'une manière qui pourrait plaire à un public qui ne sont pas habitués à ce cinéma-là. Intéressant. Ouais, vraiment le fun. Puis ça. Même pas rapport avec le fait que tu parles de film asiatique, mais je regardais ton petit Godzilla sur ton bureau derrière toi, puis oui. Je vais te demander, pendant que j'y pense, t'as sûrement regardé le trailer de Gamera? Oui, le long trailer, c'est comme un gros 4 minutes, je pense, puis c'est, oui, quasiment, oui. C'est quasiment une promo un peu. Honnêtement, moi j'ai trippé. T'sais, oui, c'est plus le Gamera des premiers films, dans le sens que c'est plus un gars dans un costume, c'est pas mal beaucoup de CGI cette fois, oui. Mais tu vois que pareil, ils ont quand même fait un gros progrès dans les effets visuels. Puis, par moment, j'étais comme, crime, ça allait de la gueule, comme le dernier Godzilla qu'il y avait eu. Tu sais, je compare pas forcément le même genre de budget puis les mêmes effets visuels, mais c'est quand même de qualité. Puis, j'étais comme, ça a l'air épique. C'est Gamera version épique. Là. C'est dans l'esprit des films des années 70, en même temps que c'est un mélange. Tu sais, c'est un drôle de mélange parce que tu as des effets spéciaux modernes, puis tu es dans l'esprit parce que. Il est comme ami avec un enfant quasiment. Ouais. Il est là pour le protéger. T'sais. Fait que ça, c'est le genre de fait que tu voyais dans les films de Kaiju des années 70 souvent, ben même des années 60 aussi. Là. Le film semble très, très old school sur son fond, puis très moderne sur son visuel. Oui, sur sa forme. Les deux fois. Puis je pense que ça peut faire vraiment un très bon mélange. Puis je suis vraiment excité de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si on va avoir la chance de l'avoir ici assez rapidement, mais. Je ne sais pas. J'espère, j'aimerais ça. Tu sais, Gamera, Godzilla, toutes ces choses-là, c'est le genre de truc qui est fait pour être vu dans une salle de cinéma. C'est ça qui est le fun. Le Godzilla de la Toho, j'ai hâte de voir ça. Le nouveau, ben, c'est ça que j'avais mentionné. Tu as Gamera, mais tu as le nouveau Godzilla aussi qui est en route, lui qui est beaucoup plus classique. On en retrouve notre Godzilla dans un vieux costume comme avant. J'ai hâte de voir ça. Fait que j'ai vraiment hâte, ça va être le fun, ça aussi. Oui. Sinon, je suis resté encore des années 50. J'ai voulu voir un film de guerre que j'avais jamais vu, qui s'appelle en français, c'est Torpille sous l'Atlantique. En anglais, c'est The Enemy Below. C'est avec Robert Mitchum. Puis c'est un film de 1957, un film de guerre, comme j'ai dit. C'est l'histoire d'un commandant, d'un capitaine de bateau de la marine, Robert Mitchum, qui tombe sur un sous-marin allemand durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est ça, lui, il est comme capitaine d'un destroyer, puis tu as le sous-marin allemand qui est sous eux, évidemment, puis qui est dirigé par un capitaine allemand qui s'appelle, qui est joué par l'acteur Kurt Jürgens, que je ne connaissais pas. Puis tout le long du film, c'est une heure et demie ou deux heures de les deux capitaines, les deux commandants de bateau qui vont faire des manœuvres pour essayer de s'éviter, pour essayer de se contourner ou de s'attaquer. Puis les deux sont hyper intelligents, les deux sont des vieux loups de mer, puis ils ont des stratégies qui sortent de l'ordinaire, puis ils essaient de comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne, comment est-ce que l'autre réfléchit en faisant les différentes tactiques. Puis c'est vraiment un film psychologique plus qu'avec des explosions et tout ça. Il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Puis c'est la première fois que je vois un film qui me rappelle tant que ça, Das Boot, la mini-série, ou en tout cas on peut appeler ça un film aussi allemand, de 1981 ou 82 de Wolfgang Petersen. Mm-hmm. Parce que Das Boot te faisait passer, quand tu regardes la mini-série, c'est 6 heures, tu as fait passer 6 heures dans le bateau complètement, dans le sous-marin, je veux dire, allemand, dans un U-boat, avec les jeunes soldats allemands, qui sont pas nécessairement des fans d'Hitler, qui se font juste une job, puis qui, des fois, ils savent même pas vraiment qu'est-ce qu'ils s'en vont faire, parce qu'ils reçoivent leurs ordres, mais les ordres font juste dire, rentre-toi d'un point A à un point B, puis va détruire tel bateau, telle affaire, mais ils disent pas pourquoi, ils vont dire même pas c'est quelle nationalité qui va aller détruire, si c'est des Français ou si c'est des Japonais ou peu importe. Fait qu'ils disent juste... Fait qu'ils font juste le job. Puis c'est un peu le même feeling que j'avais en écoutant The Enemy Below en fin de semaine, que les... Tu sais, autant les Allemands que les Américains font juste le job. Puis c'est pas un film qui est pro-guerre, c'est un film qui est plus... tu sais, le capitaine allemand, ce que j'ai aimé là, dans son bateau, c'est qu'il voit m'amener un jeune qui est en train de lire le roman le livre de Hitler, Mein Kampf. Puis il le regarde avec des yeux tellement désapprobateurs. Il fait une face qui est comme... Il secoue la tête, puis il fait... comme tout découragé là, du jeune qui se laisse amadouer par Hitler puis ses grandes idées, t'sais. Tandis que lui, c'est un vieux capitaine qui trouve que c'est une guerre qui est vraiment pas honnête, puis c'est une guerre qui est pas humaine, puis qui est trop basée sur les machines, puis tout ça, puis qui est pas comme la Première Guerre mondiale, qui était plus naturelle selon lui, moins froide. Puis ben c'est ça, tu sais, j'aime beaucoup la relation entre les deux capitaines qui se voient jamais, les deux, je dis des capitaines, mais des commandants de bateau qui se voient jamais, mais qui se communiquent entre eux dans un sens, à travers leur tactique, tu sais, ils vont, tu sais, comme mener le destroyer en haut, il va partir son sonar, puis là, il va écouter, puis là, le U-boat va se rendre jusque dans le fond de la mer, puis qu'il va aller se poser, puis là, il va attendre là, puis là, ils vont écouter, il va dire, je pense pas que le destroyer il soit parti, même si on allait. Il veut penser qu'il est parti, mais je pense qu'il est encore là, puis je vais attendre encore un petit peu avant de redécoller. Puis, tu sais, c'est tout des petites affaires de même. Puis, c'est super trippant, je trouve. Puis, c'est vraiment saisissant comme film. Le suspense, c'est vraiment le fun. Les acteurs sont très bons. C'est sûr que c'est un jeu d'acteurs de l'époque, mais si vous appréciez ça, moi je trouve que c'est un film de guerre très, très solide. La finale est très satisfaisante. Puis ce qui est le fun, je trouve, c'est justement un film de guerre où il n'y a aucun des... Je ne voulais pas qu'aucun des deux côtés perde. Autant les Américains que les Allemands, tu finis par connaître plusieurs personnages de chaque côté. Tu connais le commandant allemand, le commandant américain, tu connais les gens qui les entourent chacun. Puis j'étais là tout le long, mais j'ai pas envie qu'aucun des deux côtés perde ou gagne ou peu importe. T'sais. Puis la finale ne m'a pas déçu à ce niveau-là, puis je ne révélerai rien là-dessus. J'étais content de voir, il y a un acteur, je vais retrouver son nom, ça se prend 2 secondes, qui s'appelle David Hedison, qui joue un genre de lieutenant du capitaine américain. Cet acteur-là, il jouait le personnage principal dans le vieux film de la mouche en 59 ou 58, c'était un an ou deux après ce film-là. Puis il y en a qui pensent que Clint Eastwood joue un petit rôle dans le film qui n'est pas crédité. Mais j'ai vu sur Internet que c'était probablement pas lui. C'est une photo floue qui est souvent la même photo qui est tirée du film puis qui est très floue, puis qu'on le voit juste genre une demi-seconde dans le film. C'est, je sais pas, je pense pas que ce soit Clint Eastwood, mais peut-être. Okay. On s'en fout. C'est pas vraiment important. Mais c'est ça. The Enemy Below, très recommandé si vous aimez des films de guerre. Si vous avez aimé Das Boot, je trouve que c'est la première chose que je vois qui lui ressemble tant que ça. Là. J'ai vu aussi des comparaisons avec À la recherche d'Octobre Rouge, qui, ça, je l'ai pas... À la poursuite d'Octobre j'adore, Rouge. J'adore ce film. Que ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu. Mais Das Boot, The Enemy Below, puis Octobre Rouge sont souvent dans la même conversation. Quand on va sur Internet, là, puis on check des forums, des discussions, tout ça, ils reviennent tout le temps, ces trois titres-là, ensemble. Fait que je pense que si vous aimez ces films-là, celui-là, il est vraiment recommandé. J'adore les films de sous-marins. Puis je viens juste de m'acheter, parce qu'il me tentait depuis un moment, Black Sea. Avec Jude Law, c'est un film de sous-marin qui semble avoir passé un peu inaperçu, mais qui est quand même super bien coté un peu partout. J'avais vraiment envie de le revoir. Je suis comme dans un mood sur film de guerre sous-marin. Ben, je pense que je vais me taper ça, puis Das Boot, que j'ai jamais vu. Ah, faut que tu vois Das Boot. J'ai bien hâte d'essayer ça. J'espère que tu vas aimer, sinon, ben, pas grave. Là, mais... Honnêtement, je pense que tu me connais. Tu es pas mal certain que je vais triper. Là. Je suis pas mal sûr. Mais on fera un épisode spécial là-dessus. Oui, oui, ce serait le fun. Averte-moi d'avance quand tu vas le regarder. Je vais peut-être le réécouter aussi. OK. J'ai été avec un double feature de classique cette fois que j'avais pas revu depuis longtemps. Chérie, j'ai réduit les enfants et Chérie, j'ai grossi le bébé. Pour commencer par Chérie, j'ai réduit les enfants. C'est mon préféré, c'est celui que j'ai vu le plus souvent quand j'étais jeune, parce que le film a un concept vraiment fun. Surtout aussi qu'il y a Rick Moranis dedans, puis que je l'ai tout le temps trouvé le fun, ce gars-là. Il a une face vraiment le fun, puis attachant, charismatique, que quand t'es jeune, tous les films qu'il jouait dedans, moi, je trippais. Puis le concept de voir du monde se faire rétrécir en petites personnes, qui vont se ramoncer dans la cour, mais que la cour, ça va devenir comme une jungle. Tu sais, c'est comme, on pense jamais à ça, mais tu sais, si on serait petit, là, à marcher dans notre gazon, ces choses-là, il y a tellement d'insectes, il y a tellement de trucs qui peuvent arriver, c'est dingue. On oublie ça, j'ai un petit lapin dans ma cour arrière, puis oublie ça, si je suis petit, il va me manger. Là. Ah, c'est sûr et certain. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, ça donne lieu à un film tellement divertissant, tu sais, l'idée est bonne. J'avais complètement oublié, le film est écrit par... l'histoire est écrite par Stuart Gordon puis Brian Yuzna. Wow! Puis je me rappelais aucunement que c'était eux qui avaient fait ça. Est-ce qu'ils prévoyaient faire le film eux-mêmes à un moment donné? Ben, ça, je sais pas, par contre. Faudrait que je me renseigne un peu plus, par contre. C'est qui a réalisé, finalement? C'est Randall Tleasa, non pas Randall Tleasa, c'est Joe Johnston. Je pense que c'est lui qui a fait Jurassic Park. C'est lui qu'on vient de dire tantôt. C'est justement oui, c'est lui qui a fait America, puis Rocketeer, puis Jurassic Park 3. T'as raison. Ouais, eh bien. Puis Randall Tleasa, c'est lui qui a fait le 2. Ouais. C'est le réalisateur de Grease 1. Ok, c'est bizarre. C'est drôle de choix. Mais... Ce que j'aime avec ce film-là, parce que là, je parle surtout du premier, c'est que le cinéma dans ces années-là, il n'était pas pareil. T'sais, je veux dire, quand ce film-là est sorti, les effets spéciaux sont encore vraiment écœurants, honnêtement. La première fois que les enfants se font rétrécir dans le grenier, ils sont vraiment sur un gros plateau, mais c'est vraiment fait comme si le plancher était gigantesque, des longues planches avec des vis géants puis des morceaux. Puis c'est tout fait à l'ancienne, à la main, sur un gros décor, mais c'est tellement bien fait, c'est dingue, t'as vraiment l'impression qu'ils sont vraiment petits sur un plancher, puis j'imagine pas les heures de travail que tu as à avoir là-dedans, puis même dans la cour, mais qui se retrouve dans la cour, dans le gazon, il y a tellement de détails qui ont été faits, tu sais, tout est fait à la main, il y avait pas vraiment de CGI dans ces années-là, fait que moi, c'est tout est fait de grandeur. Les petites plantes, les pissenlits ou peu importe, toutes ces fleurs-là deviennent des grandes fleurs, deviennent des arbres, en fait, puis ça me faisait rêver, tu sais, même si c'est pas super réaliste, puis ça a l'air tout fait en carton, pas en carton, mais en caoutchouc, c'est pas grave, tu sais, même si la fourmi est pas super réaliste, c'est pas grave, moi, je la trouvais super, super tripante quand j'étais jeune, tu sais. Mais c'est du stop motion, hein? Fait que quand t'es jeune, tu vois pas vraiment ça. Là, on le remarque plus quand tu vois le film. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils tombent sur un biscuit. Puis le biscuit est gigantesque. Puis ils prennent des poignées du crémage. Puis moi, à chaque fois, même là, je revoyais le film, j'étais comme, j'aimerais ça prendre le crémage comme ça, puis manger une poignée. Puis... Tandis qu'aujourd'hui, je veux dire, il n'y a plus grand-chose qui impressionne. Parce que je veux dire, on est rendu à un stade où il n'y a plus rien qui n'a pas vraiment été fait en termes d'effets spéciaux. Je veux dire, le CGI peut tout faire. On a vu des trucs pratiquement impossibles. Tandis que maintenant, dans ces années-là, tu sais, je veux dire, c'était nouveau, c'était pas fréquent. Tandis que maintenant, tous les gros films contiennent des effets spéciaux incroyables. Puis tellement que le monde sont juste plus impressionné, puis c'est rendu difficile d'être impressionné au cinéma, je trouve. Ben c'est ça, quand tu peux tout faire, c'est plus... C'est ça. Ce qui est arrivé aussi avec les Star Wars, les prequels, c'est que George Lucas avait comme plus de limites, puis il mettait tout ce qu'il voulait dans ses films, tandis que dans les trois premiers, il est allé juste à l'essentiel de son histoire, sans mettre trop d'affaires, parce qu'il était limité dans ses moyens, puis c'est ça qui faisait que les histoires étaient meilleures. Trop en mettre, ça finit par tuer. T'sais, c'est comme inutile. Des fois, la simplicité, ça fait déjà beaucoup plus de job que... Puis comme tu dis, ça devient pas impressionnant. Puis quand les gens doivent être sur le dos d'une créature en CGI, ben ça fait jamais le même effet qu'une créature en vrai, parce qu'il n'y a pas le même poids, le même effet de gravité, tout ça. T'sais, souvent, tu vas les voir rebondir, puis ça n'a juste aucun rapport comme... Tu n'arrives pas à croire qu'un corps humain bondirait comme ça quand tu vois du CGI, tandis que, mettons, dans Chérie, j'ai résolu les enfants, tu as l'impression qu'ils sont là à travers les herbes et tout ça, puis avec la fourmi, tout ça, parce qu'ils peuvent y toucher, parce qu'ils sont vraiment là. T'sais. Ils peuvent y toucher parce que puis ils avancent, tu vois le décor qui avance pour de vrai, tandis que des personnages sur du CGI, tu vois, c'est un écran vert, puis veut pas, c'est bien rare, je regarde, puis je me dis, j'y crois, je suis dedans. T'as toujours l'impression qu'il y a un écran vert derrière les personnages et que ça n'avance pas de manière fluide. Tandis que sur une maquette, peu importe que ça soit en plastique ou que tu ne vois pas vraiment en dessous qu'ils sont vraiment sur une fourmi, tu vois pareil le décor derrière eux qui bouge, qui sont vraiment en mouvement puis que c'est physique et non juste pendant une demi-heure assis sur un petit banc entouré d'écran vert et à juste être de même et à rien faire d'autre. Tu sais, tu regardes les tournages du Seigneur des Anneaux puis de Sin City, ces choses-là, c'est dol en tabarnak. Tu sais, je veux dire, tu regardes Sin City, c'est un film que j'aime beaucoup, puis le visuel est vraiment excellent, mais tu regardes le tournage, ça doit pas être trippant de tourner ce genre de film-là, contrairement à avant, là, tu sais, où que tu bougeais, tu faisais de quoi? Il fallait pas juste que tu parles à quelque chose qui est pas là. Ben c'est ça, moi si j'étais acteur, j'ai joué dans des pièces de théâtre, mais si j'étais acteur de cinéma, tout ça, j'aimerais tellement mieux être dans un film comme Sleuth, comme Le Limier, qu'on est fait dans notre podcast, être face à face avec quelqu'un avec qui tu parles tout le long, qu'un film avec un million de bébites comme Star Wars ou des vieux des prequels, je parle, ou Avengers, tu sais, que tu réagis avec quelque chose que tu vois pas, tu sais. Tu sais, dans le fond, l'écran vert, le décor derrière qui bouge, comme tu dis, c'est aussi efficace que le décor qui bouge dans Fred Caillou, là, tu sais, quand il court, puis que c'est tout à l'heure fait, qui passe derrière, tu sais, il court dans la maison, puis t'as 15 fois la maison qui passe derrière. Là, tu sais. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que, tu sais, oui, tu sais, exemple, dans Chérie, je réduis les enfants, ils se concentrent beaucoup à créer des effets spéciaux impressionnants, tout ça, mais ils se concentrent aussi à offrir une histoire qui est quand même originale, entraînante, puis des personnages le fun. Je veux dire, les groupes d'enfants qu'on suit sont le fun, sont charismatiques, puis même du côté des adultes, les voisins, puis Rick Moranis, que t'aimes beaucoup, sont vraiment le fun à suivre. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme on veut tellement juste impressionner avec des effets spéciaux qu'on prend plus la peine de créer des personnages attachants. Tandis que là, on a un mélange des deux. C'est ça qui est... Puis il y a une sorte d'attitude dans les années 2000 qui est arrivée, qui me fait chier un peu dans les films, c'est que tout le monde doit être tout à fait plus cool que les autres, ou plus... on se permet plus d'être loser, vraiment, tu sais. Puis j'aime que Rick Moranis, c'est un sympathique loser. Ouais. J'aime que son fils, il est pas super héroïque non plus. Sa fille, tu sais, elle fait du ménage en dansant, puis en chantant, puis elle se fait elle se fait voir par le voisin, puis elle est toute intimidée de ça. Tu sais, bon, tu, c'est pas d'être plus cool que les autres. Tu sais, c'est juste des adolescents normaux, c'est juste des enfants normaux. Tu sais, puis je me reconnaissais comme les enfants dans Rester à l'écoute, comme les enfants ouais. tu sais, dans d'autres films comme ça, dans Faut pas dire à maman que la gardienne mange des pissenlits par la racine ou des affaires comme ça. Tu sais, les enfants avaient l'air à des vrais enfants, tu sais, que je me reconnaissais là-dedans. C'est sûr que j'avais le même âge. Quand Chérie, j'ai réduit les enfants, est sorti, j'avais à peu près le même âge que la fille, tu sais, probablement. Mais en même temps, c'est parce qu'on est un peu de cette époque-là, fait qu'on se reconnaît, mais je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils se reconnaissent, eux, dans les films récents, pas se dire « je suis vraiment comme ça ». Ah, c'est ça. Moi, je les trouve toutes trop blasées souvent ou toutes trop cool, tu sais, ils veulent pas montrer leurs vraies émotions, ils veulent pas être trop loser, puis tout, puis en tout cas, je sais pas, là, mais... J'aime les enfants de cette époque-là, c'est sûr. T'sais. Ça, c'est la nostalgie, on reste ancré. On va finir comme les vieux chialeux, comme nos parents, dans notre génération. Non, mais j'essaie de pas, mais en même temps, c'est ça qui est dur. T'sais. Ouais. Mais sinon, moi, je trouve que c'est un film qui est super bien vieilli, que c'est un classique de mon enfance, que j'ai eu autant de plaisir à revoir aujourd'hui qu'auparavant. Puis ça, c'est le fun. Ça fait du bien de tomber sur des films, tu dis. Yes, c'est aussi bon que quand j'étais jeune, tandis que d'autres t'écoutent et comme ouais, finalement, je comprends pas pourquoi j'aimais ça. Mais tu sais, il pense à plein d'affaires. C'est le fun, l'enfant dans le bol de céréales vers la fin, des trucs comme ça. Il pense à toutes sortes de trucs, c'est vraiment le fun. Où il s'amuse à dormir dans un gros bloc de Lego. C'est un petit Lego, mais c'est génial, j'adore ça. Ce qui est le fun, c'est que les trucs anodins qui se passent dans la cour, ça devient des catastrophes vraiment difficiles pour eux. Tu sais, la Chantepleurs va juste commencer à arroser le gazon, mais eux, ça tombe comme des bombes, puis ça explose. La tondeuse. Partout. La tondeuse, puis tu sais, ça n'arrête pas. Pendant 1h30, c'est vraiment un gros divertissement que tu tripes, là, c'est vraiment le fun. Puis pour ceux qui le savent, pas moi, c'est parce que je l'aime beaucoup, là, le voisin qui s'appelle, l'acteur s'appelle Matt Frewer, c'est un des acteurs canadiens qu'on a vu le plus souvent dans des films On l'a tellement vu souvent dans les années 80, ouais. 90, puis 2000. Au début de sa carrière, il a joué Max Headroom, qui était comme le personnage avec la tête un peu robotique, qui était juste dans une télé, puis qui bougeait de manière saccadée. Il passait souvent en TV, puis je pense qu'il commentait des clips, des vidéoclips. Puis ce gars-là a joué aussi dans Le Fléau de Stephen King en 94. Oui, c'est vrai. Puis... pour les amateurs d'horreur, vous l'avez vu dans Dawn of the Dead, le remake en 2004. Il faisait un rôle là-dedans. Je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il jouait, mais il était dans le centre d'achat. Puis, mais c'est ça, c'est un acteur qu'on a tellement vu souvent qui est très, très bon. Puis ça, c'est un de ses gros rôles, je trouve, selon moi, un de ses plus connus. Là, puis, c'est ça, il est particulier, mais tu sais, il est marquant, tu sais, c'est ça, c'est pas un personnage secondaire oubliable, tu sais. C'est parce que dans ce film-là, même les personnages secondaires sont le fun, puis tu t'en fous pas, tu sais, tu t'intéresses pas mal à tout le monde, c'est ça qui est cool. Oui. Puis là, il arrive, Chérie, j'ai gonflé le bébé. J'ai vérifié, c'est vraiment ça sur IMDb, j'ai checké tantôt, puis c'est vraiment le réalisateur de Grease, ouais. Premier Grease. J'ai vu ça au cinéma. Honnêtement, je l'ai vu une couple de fois quand j'étais jeune. Je pense que c'est un film que j'appréciais pareil autant que le premier quand j'étais plus jeune, même si j'ai plus vu le premier. Et c'est celui-là, par contre, je trouve qu'il a pris un méchant coup de vieux et c'est vraiment moins bon que le premier. Ça sent la suite forcée parce que le premier a évidemment beaucoup marché. Mais c'est surtout moins intéressant parce que la plupart des personnages qu'on aime du premier sont tous disparus. On va juste suivre Rick Moranney et son fils à lunettes. C'est deux personnages le fun, mais c'est parce que l'intrigue tient sur le fait que son bébé va juste grossir à chaque fois qu'il va être proche de trucs électro. Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu. Je veux dire, le principal, c'est juste que le bébé agit en bébé, mais de manière gros. Fait qu'il va juste courir, briser des choses par accident. Mais je trouve pas ça forcément intéressant de voir pendant 1h30 un enfant qui brise tout puis qui fait juste agir comme un enfant. C'est pas comme le premier où on a des insectes, l'action est variée. Là, je trouve que c'est quand même limité. Je comprends le concept, mais tu sais, j'imagine qu'à l'époque, c'était surtout le fait de voir les effets visuels du bébé géant qui grossit sans arrêt. Mais il y a beaucoup d'effets qui ont mal vieilli. C'est pas toujours des décors, tu sais. C'est... Je l'ai juste vu une fois au cinéma à cette époque-là, puis j'ai pas l'impression que c'était... Dans ma tête, le souvenir, c'est que c'était pas si bien fait que ça, tu sais. Ben, si c'était déjà ça à l'époque, là, ça paraît vraiment encore moins bien. Puis, j'ai pas trouvé le film excitant ou quoi que ce soit. À un moment donné, j'ai fini par m'emmerder parce que j'étais comme, OK, c'est juste un enfant sans arrêt qui fait juste faire n'importe quoi. Fait que j'ai vraiment eu de la misère. Je me souviens que j'ai pas aimé ça. T'sais, j'ai vraiment pas trouvé. Puis, en fait, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur le film. J'ai trouvé ça quand même plate. À un moment donné, j'ai fini par gosser avec mon téléphone en même temps, puis je regardais du coin de l'œil qu'est-ce qui se passait. Puis, c'est comme plate, moi avec certains films. Ouais, puis c'est plate parce que sa sœur est là au début. Puis ce que j'ai trouvé le fun, par contre, c'est qu'il y a quand même plusieurs années qui séparent les deux films. Fait que t'es beau vraiment plus vieux. Puis là, tu voyais la grande sœur du premier qui était là. C'est comme, ah, cool, elle est là. Non, elle est juste là 5 minutes. Puis après ça, elle disparaît du film. Puis c'est vraiment juste la mère, Rick Moranis, puis l'autre fils. T'sais, en même temps, le film essaie d'être le fun avec les inventions parce que sa maison est faite pratiquement juste avec ses inventions à lui. Puis ça me rappelle beaucoup Retour vers le futur un peu, les inventions de Doc, la machine qui va ouvrir la canne du chien automatisée. T'sais, je commence à essayer le fun au début, mais après ça, lorsqu'on embarque dans l'intrigue de l'enfant qui fait juste grossir, je trouve ça dole. C'est vraiment plate. Puis le film a vraiment pris un méchant coup de vieux. Fait que je le recommande pas forcément. J'ai pas vraiment eu autant de plaisir que le premier à revoir ce film-là. Il y a un personnage là-dedans, je vais retrouver le nom de l'acteur. Là-dedans, tu as le vieux qui joue dans les pilotes en l'air. Je suis en train de voir ça, là, Lloyd Bridges. Ah, tu as Kerry Russell aussi qui a joué dans la série Felicity. Je pense qu'il joue le méchant. C'est lui qui joue le méchant dans celle-là. Lloyd Bridges? Oui. Non, celui que je. Oui. Mais celui que je parle, c'est l'acteur John Shea. Il joue Dr. Charles quelque chose. Je ne vois pas son nom complet sur mon téléphone. Mais John Shea, ceux qui sont intéressés, il jouait dans la série de Lois and Clark. C'est lui qui faisait Lex Luthor durant les 4 années de Lois and Clark. Et puis, je me rappelle surtout de lui dans le film. Sinon, je ne me rappelle rien du film en particulier. Comme je dis, c'était pas super bien fait à mes yeux. Non, pas vraiment. Je vois qu'il y a Bill Moseley dans le film aussi. Je pense qu'il a passé inaperçu. Je ne me rappelle pas l'avoir vu. Il y a un fédéral, Marshall fédéral. C'est drôle parce que je me suis retapé, me semble que j'en avais parlé dans l'autre épisode, les Mackie Ducks. J'avais écouté les deux premiers films avec Emilio Estevez. J'avais eu beaucoup de plaisir à revoir le premier. Puis quand j'ai écouté le deuxième, je l'ai trouvé encore meilleur. Je l'ai trouvé vraiment le fun. Tandis que là, j'ai eu du fun avec le premier moment. Le deuxième, j'ai trouvé bof. Puis comme pour les Mackie Ducks, ben, je ne suis pas capable d'avoir le troisième. Parce qu'il y a un troisième pour celui-là. C'est Chéri, je nous ai réduit. Puis là, c'est les parents. Puis c'est sorti directement en vidéo dans les années 2000. Pas 2000, je pense. Non, c'est 97-98. Puis c'est vraiment une suite. Dans mes souvenirs, je pense que c'est quand même un peu plus divertissant que le deuxième. Parce que ça se passe dans la maison tout le long. Ça se passe dans la maison. Dans un party de jeunes. Tu sais. Puis je me rappelle surtout de la scène que les parents vont utiliser l'espèce de piste de course. Ils vont embarquer dans la voiture qui va tourner puis jumper partout. Tu sais, il y a plus d'interactions avec des choses le fun que le bébé qui se promène partout. Mais je ne pourrais pas me le trouver. Je ne pourrais pas me l'écouter. Pareil pour les Mackie Ducks 3, mais je sais que ce n'est pas une très bonne suite, lui non plus. Je n'ai pas entendu beaucoup de bonnes choses. C'est surtout dommage que, même si ce n'est pas des bons films, qu'on ne soit pas capable de les trouver. Tous les films, dans un monde parfait, tous les films devraient être faciles à trouver. Ben, Mackie Ducks, il est facile parce que tu peux trouver le coffret avec les 3 films partout. Ça, je dis ça parce que j'ai écouté les 2 premiers sur Netflix. Puis Netflix, ben, ils ont boudé le 3e puis ils ne l'ont pas mis. C'est juste à cause de ça. Mais non, je me rappelle du troisième film de Chéri, je nous ai réduit. Puis non, c'est ça. Comme tu dis, c'était le fun à cause de la maison, là, mais l'idée en gros, c'est qu'il s'était juste avant. Il était supposé partir en voyage à quelque part, je pense. Puis là, les enfants, les jeunes ont prévu faire un party quand les parents ne seraient pas là. Ouais, exactement. Mais les parents, au lieu de partir à cause d'une erreur du père, ils ont été réduits. Fait que là, les jeunes sont convaincus que les parents sont partis. Ils font un gros party. Mais les parents sont encore là dans la maison, sont juste poignés. Il y a plein de place parce qu'ils sont petits. Il faut qu'ils essaient de... Je dis ça de même, mais quand ça arrive 2-3 fois que tu as des problèmes de même, que tu es en danger de vie, débarrasse-toi-en de ta machine là, parce que ça va pas bien. Ouais, mais ça, c'est comme ça dans des films, sinon il n'y aurait pas de film. Non, c'est ça, il n'y aurait pas de suite s'il n'y aurait pas de truc comme ça. Sinon, ben moi aussi, j'ai regardé des vieux films. C'était un peu pour les 31 jours d'horreur, mais en même temps, c'est pas vraiment de l'horreur en tant que telle. j'ai écouté premièrement Frankenweenie parce que je voulais le revoir, tu sais, de Tim Burton. Son long métrage, pas son court, mais j'aime tellement beaucoup ce film-là. Je l'avais vu au cinéma en 2012-2013 quand ça a sorti. J'avais la même année, j'avais vu Paranorman, puis je préfère Paranorman, mais je trouve que. Oui. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire. Je sais que les deux sont quand même bien différents, puis je ne voulais pas m'amuser à les comparer, mais c'est inévitable parce que ces films-là sont sortis quand même de manière assez rapprochée. Puis comme toi, j'avais quand même beaucoup plus apprécié le Paranormal que Frankenweenie. Mais Paranormal, c'est ça, je le trouve meilleur en tant que film, dans l'animation, tout ça, puis de son histoire. Mais Frankenweenie est extrêmement touchant. C'est une très, très belle histoire. C'est très bien fait aussi. C'est du Tim Burton tout craché. C'est l'adaptation en long métrage d'un de ses premiers courts-métrages. Tu sais, puis c'est tout à fait lui. C'est lui l'hommage est vraiment cool au monstre de l'Universal. C'est très réussi. Le petit Victor, c'est lui. C'est la manière qu'il est montré, tout ça. Tu sais, puis l'histoire avec le chien, c'est super touchant. Mm-hmm. Puis c'est tellement drôle. Il y a tellement de personnages de fun. Son assistant, il est le fun. Tout le monde est le fun là-dedans. Tu sais. Puis les créatures à la fin, parce qu'il va y avoir d'autres créatures, d'autres que le chien qui revient à la vie. Tu sais. Il va y avoir d'autres affaires. Puis c'est tellement trippant. Ça peut intéresser autant les fans de Kaiju que les fans juste les fans de films de monstres des années 50. Là, c'est en noir et blanc. C'est vraiment ça, des vrais films familiales. T'sais, moi, un vrai film familial, c'est quand les adultes peuvent autant apprécier que les enfants. Puis c'est supposé être ça, des bons films familiales. Puis on en a pas autant qu'avant, je trouve, de nos jours. Tu regardes des films comme on avait les Goonies, puis ces films-là que les parents peuvent aimer autant que les enfants. Puis Frankenweenie puis Paranormal, je trouve que ces deux-là réussissent haut la main, puis que c'est des films que je vais avoir beaucoup de plaisir à revoir puis à écouter avec mon garçon, que je sais qu'il va sans doute autant triper que nous autres. Là. Fait que c'est vraiment des bons films familiales. Ouais, puis c'est des films qui ont du cœur, tu sais, puis c'est ça, tu peux rire autant qu'être hyper touché, tu sais, puis non. Des belles histoires, ça a des belles morales, puis c'est pas juste des petits bonhommes jaunes qui font des bruits de pète pendant une heure et demie, tu sais, veux pas. Non, ça, je les ai pas vus, mais je veux pas les voir. Non, mais tu sais, c'est de l'humour facile envers les enfants. T'sais, c'est ça que j'appelle des films qui sont pas faits pour être familiales. T'sais, la plupart des parents qui ont été voir les Minions, ils disaient tout, c'était le fun pour les enfants, mais c'est vraiment fait pour les enfants. Fait que les parents trouvaient les gags souvent trop enfantins, comme on disait, des bruits de pète. T'sais, je pense qu'il y a une manière de faire des films que les enfants vont aimer, mais avec un humour quand même un peu plus intelligent qui allait dans la facilité, qui vont faire rire les parents puis les enfants. Là. Puis les films de Pixar sont d'excellents exemples également. Là. Oui. Puis ben, pour faire ça rapidement, je vais parler d'un deuxième film parce que c'est mon dernier dans le fond, mais j'ai regardé Frankenstein Junior. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, pour rester dans la thématique de Frankenstein. De Mel Brooks, donc, avec Gene Wilder, puis Terry Garr, Peter Boyle, puis... C'est quoi son nom? Marty Feldman qui fait l'assistant, qui fait Igor. C'est tellement drôle. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Puis j'étais pas sûr si l'humour aurait bien vieilli, mais c'est du Mel Brooks. Puis tu sais, des fois, ça peut être enfantin un peu. Ça... Ce qui m'a le plus frappé dans cette fois-ci, c'est l'aspect visuel du film, parce que Mel Brooks a copié le style visuel des films des années 30. Il s'inspire beaucoup, évidemment, du film de 31 ou 1932 de Frankenstein de l'époque. Ouais. Puis, il a copié à la perfection, mais vraiment, je souligne le mot à la perfection, le look. Là. Si c'était un écran carré 4:3, là, ça serait, tu pourrais croire que c'est un film des années 30. Là. C'est ouais. Incroyable comment c'est... Les éclairages dans les cheveux, là, t'sais, pis la manière que tous les décors, puis tout est éclairé, là, la forêt, puis des trucs comme ça, c'est wow, c'est impeccable. T'as vraiment pas l'impression de regarder un film de 74, t'as vraiment l'impression de regarder un film de 1935. Puis c'est un compliment pour ce film-là, là, t'sais, c'est vraiment ça qu'il cherchait, je pense. Mais l'attitude des personnages est très 74, t'sais, c'est très moderne. Ça se passe, je crois, t'sais, on dirait que ça se passe à une ancienne époque, mais en même temps, ça se passe dans le temps moderne. Parce que le personnage de Gene Wilder, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Victor Frankenstein. Fait, oui, ça se passe probablement en 1974, mais il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'affaires comme ça. T'sais, on a vraiment l'impression qu'il se retrouve au début du siècle dans un vieux château de Transylvanie. Puis c'est hilarant. T'sais, le personnage de Marty Feldman, qui fait l'assistant avec sa bosse, tout ça, c'est vraiment un des sidekicks les plus drôles de l'histoire du cinéma, je pense. Puis ce gars-là, toutes ses répliques, toutes ses faces sont hilarantes. Puis c'est ça, c'est un film qui est cute aussi, des scènes vraiment cute entre certains personnages, surtout quand la créature arrive dans le décor, puis là, il y a des interactions de sortes de monde. J'ai beaucoup aimé la scène avec Gene Hackman, que je ne m'en souvenais pas en tout, qui était là-dedans, qui fait un genre de caméo pas crédité au début du film, tu sais, puis tu fais le saut quand tu le vois, il fait un aveugle qui veut juste de la compagnie, puis qui va inviter la créature chez eux, puis il va avoir des trucs drôles qui vont arriver, tu sais, je trouve ça super le fun. Puis ça, en général, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mes deux préférés de Mel Brooks, ça a toujours été La folle histoire du monde, puis Spaceballs, mais Young Frankenstein, c'est vraiment un très, très grand film, selon moi, puis ça fait 40 ans l'année passée qu'il est sorti, puis ça a quasiment pas vieilli. C'est un petit peu, là, ça sent le film, son ton est très 74 un peu, mais en même temps, sinon, je trouve que ça a bien vieilli, fait que très recommandé. Put it under it. Oui. La scène musicale est vraiment géniale. Put it under it. Put it under it. J'adore. Oui. Moi, j'avais terminé, j'avais rien d'autre. Ben, moi aussi, j'ai terminé. Il y a quelque chose que je voulais mentionner tantôt. Non, je ne sais plus. Finalement, je ne sais plus. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'était notre épisode 47. Au début, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est 47. Le prochain, ça va être après le 23 octobre, parce que le 23, c'est la sortie de Jem. On n'est pas sûr exactement qui va aller voir le film quand exactement. T'sais, peut-être bien qu'on va aller voir le vendredi soir ou le samedi ou le dimanche. Mm-hmm. Mais dans les jours qui vont suivre ou dans la semaine qui va suivre, on va enregistrer notre épisode spécial de Jem et les hologrammes pour parler de si le film est une réussite selon les attentes de certains. Ou un fiasco total. 2015. Parce qu'il y a des gens qui ont des attentes et tout ça, puis on a des amis du bras de fer qui ont des attentes. On va essayer d'avoir le plus de monde possible sur l'épisode. Quelques autres personnes avec nous pour en jaser, qui sont plus experts que nous, ou expertes. Et ça devrait être drôle. C'est ce que j'espère. Puis c'est un peu pour sortir un peu du moule des épisodes normaux aussi. Des fois, ça fait du bien. Tu sais. Fait que ce soit pendant dans deux semaines ou une semaine et demie. Tu sais. La prochaine semaine et demie, ça va être tranquille. On n'aura pas d'épisode régulier. Je prends un petit congé du bras de fer, mais tu sais, on revient tout de suite dans pas long. Puis, de toute façon, on est avec Horror Gamer, fait qu'on est tout le temps quand même en ligne quasiment. Ouais. Dans 5-6 jours, comme je disais tantôt, on va avoir un épisode d'Horror Gamer live. On va mettre le lien sur la page Facebook. Puis on va parler des films d'horreur qu'on regarde ces temps-ci. Sinon... Je ne sais pas s'il fait live, par contre. Ah, t'as raison. Parce que vu qu'il invite d'autres personnes, ça va être juste au micro. Ah, c'est ça va être un épisode spécial avec des invités. Ça va être juste au micro. Oui, je m'excuse. Ça va être juste un podcast que vous pourrez retrouver sur le horreurgamer.ca. Et parlant de site web, c'est ça, je me rappelais que ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait quelques petites modifications sur la page d'accueil du bras de fer des films.com. Ça ne change rien. Je pense que ça ne change rien vraiment pour la plupart des gens. C'est juste pour essayer d'améliorer un peu comment les choses se présentent. C'est comme l'épisode le plus récent est vraiment plus en vue. Là, puis, j'ai rajouté une petite bannière tout petite d'Amazon. .ca. Si ça vous tente de commander des films des fois sur Amazon, puis si vous cliquez sur la bannière ou si vous passez par nos bannières Amazon, ça nous donne un petit pourcentage de là-dessus. Fait que c'est juste pour encourager ce qu'on fait. C'est vraiment pas grand-chose. Des fois, c'est genre 5 cents ou 10 cents, je pense, qu'on reçoit sur un achat ou peu importe. Là. C'est pas grand-chose. Mais c'est juste pour dire, tu sais, puis ça peut aller dans l'argent que je mets sur l'hébergement, tout ça, sur du site, ben ça peut, c'est tant mieux. Sinon, ben, c'est pas grave, c'est juste pour dire. Mais ça serait un petit encouragement, ça serait le fun. Sinon, ben c'est ça, on est, je l'ai dit souvent, mais on est sur iTunes. Si vous nous mettez des étoiles, on va monter encore plus dans les recherches d'iTunes, fait que ça peut nous aider à nous faire voir, nous faire entendre. En même temps, c'est bien correct si on reste petit, parce que si on a trop de monde qui nous écoute, moi, je vais être bien trop gêné. Là, tu vas être bien trop stressé, te mettre de la pression, puis là, tu vas, tu sauras plus quoi dire. Non, c'est le fun. On est une petite famille. Là, je dis ça, puis il n'y a personne qui nous écoute live en ce moment. Gang de choke. Mais tout le monde travaille à soir. Fait que non, c'est ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. C'est doux. Fait que ben, d'ici là, d'ici à notre épisode sur Gem ou à nos épisodes d'Horreur Gamer, je vous souhaite de regarder de très très bons films et de très bonnes séries. Il y en a beaucoup, beaucoup à voir. Ouais. Merci à toi, Steven, d'être toujours aussi présent et toujours aussi passionné et allumé. Et c'est ça. Merci, Jeff, ça me fait plaisir. Et je vais arrêter de radoter, puis je vais vous dire bonne soirée à tout le monde. Et à la prochaine! À la prochaine! If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Uber, Uber! Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst.